radio debout, c'est pour vous. Écoute radio debout, radio debout, c'est pour vous. Écoute radio debout, radio debout, c'est pour vous. Écoute radio debout, radio debout, c'est pour vous. Écoute radio debout. Oui, oui, oui, oui, j'adore cette ouverture de Love Me Radio Debout. Voilà, nouvelle antenne pour ce 82 mars. Eh bien, comme on a habitude, à notre habitude, on va partir à l'AG. Et puis après, il y a plein de choses sur la place qui s'organisent. Il y a une petite pluie aussi qui joue à cache-cache avec nous. Mais on en rigole parce qu'il y a des gens qui dansent et qui prennent beaucoup de plaisir à danser. Mais ça, on va en discuter tout de suite après l'AG. Il y en a encore beaucoup qui vont venir. Et on fera juste une exception parce qu'on a eu quasiment que des garçons. Donc si jamais certaines filles veulent s'exprimer à ce sujet, n'hésitez pas. Et pour équilibrer les choses, tu passeras juste après une demoiselle qui s'appelle Isabelle. Donc si Isabelle veut venir s'exprimer et prendre son tour de parole, nous l'attendons. Oui, alors c'est vrai que je peux pas venir tous les jours sur la place, je viens le plus souvent possible, mais je peux pas être là à chaque AG, ce qui fait que en fait, j'ai pas pu du tout participer au processus de vote. Donc je vais pas l'analyser tel qu'il s'est passé, mais du coup la discussion qu'on a en ce moment, c'est je crois que c'est aussi une discussion sur j'étais d'accord avec des choses qui sont dites déjà avant hein, sur à quoi ça sert l'AG. Et j'ai l'impression que l'AG de République, elle peut avoir plusieurs utilités qui ne s'opposent pas et qui peuvent exister en même temps. À la fois sur le partage de réflexions, à la fois sur la convergence des luttes et sur l'organisation de la lutte. Je crois que si on est sur cette place, c'est quand même d'abord parce qu'on a une lutte à mener, qu'on essaye de la mener ensemble contre la loi El Khomri et son monde, et que c'est quelque chose de fondamental qu'on doit discuter sur la place. Et moi j'ai l'impression que ce qui serait intéressant, ce qui serait légitime, ou en tout cas ce qui permettrait à chacun de s'impliquer, c'est aussi qu'un ordre du jour soit discuté chaque jour sur la place et qu'il soit discuté à l'Assemblée générale et que ce ne soit pas seulement en dehors de l'Assemblée générale, que la Commission démocratie, qui fait un travail formidable, qui peut être là tôt, etc., prépare une proposition d'ordre du jour, mais que cette proposition elle soit proposée, donc discutée, donc votée, et qu'on prenne peut-être trois quarts d'heure, une heure en début, ou une demi-heure, ça va plus vite, en début d'AG pour voter un ordre du jour spécifique à l'AG avec les gens qui sont là, et que du coup, que ce soit affiché, et qu'on puisse aussi organiser le temps de l'AG par rapport à cet ordre du jour, comme il se passe aujourd'hui, sauf qu'on ne l'a pas voté, ça a été décidé avant nous, bon ben voilà, on participe, c'est très bien, mais moi je pense que ça serait intéressant qu'on puisse discuter des ordres du jour à l'Assemblée générale et qu'on puisse le voter. Et ça, c'est un vote qui correspond aux gens qui sont là, qui a du sens et qui implique, qui fait qu'on va rester parce qu'en fait, on a voté tel thème et tel thème et que ça va arriver en troisième, en deuxième. Et donc, on va rester à l'Assemblée générale. Ça permet de les nourrir, ça permet d'en faire quelque chose qui a du sens. Mais je ne peux pas venir tous les jours, hein, j'ai pas non, tout non, vu. Non, mais... non. Juste une contribution. C'est pénible à faire ça, les gars. Bah, tu t'inscris, je sais pas moi. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que je l'ai peut-être déjà entendu, ça a peut-être été déjà fait, mais ça serait intéressant aussi d'avoir un temps tous les jours consacré à une commission qui vient présenter le travail qu'il est en train de faire, les luttes qui se mènent dans son secteur, et de réinviter les commissions, mais avec un débat, pas seulement juste je passe, je vous dis deux mots et puis je m'en vais, mais de prendre en charge, pas forcément 15 commissions, mais une commission qui prend en charge, je ne sais pas, une heure, trois quarts d'heure de débat sur telle action, tel mode de lutte ou tel débat qu'il y a dans cette commission-là. Merci. J'ai un point technique, réponse directe, un mix. C'est un mix. J'en profite pour rebondir. Je fais aussi partie de Démocratie sur la place. Et justement, comme on réfléchit sur ces choses-là, qu'on entend ces retours-là souvent, on est en train d'essayer de mettre en place comme ça une espèce de communication entre les commissions et nous pour qu'elles puissent nous remonter des envies en disant, voilà, tel jour, j'aimerais proposer un moment thématique autour de ce qu'on est en train de faire. Nous le faire savoir 3 jours avant, pas du tout pour qu'on ait un regard sur le contenu. Ça ne nous intéresse pas dans le sens où on n'a pas envie de contrôler ça. Juste pour pouvoir le communiquer à toutes les autres commissions, parce que c'est bien d'avoir un thème et d'en parler, mais il faut que tout le monde sache que c'est tel jour, vers quelle heure, pour avoir envie de venir avec des arguments et tout. Donc j'en profite si ici il y a des gens de commission, je ne sais pas. N'hésitez pas à venir soit nous voir à 16h, 18h à nos réunions, soit sous le Barnum, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui savent de quoi il en retourne sur ce sujet-là. Vous nous en parlez ou sur Telegram ou sur notre mail contact. Et comme ça, là c'est ce qui va avoir lieu par exemple demain autour du TAFTA. On est au courant, on le fait savoir par des réseaux de mail, de Telegram. Et 2-3 jours avant, voilà. Donc on essaye, nous aussi, en commission démocratie, de promouvoir ces idées de petits moments d'une heure, par exemple, 3/4 d'heure, 1 heure, où on expose ce qu'on fait en tant que commission, et l'Assemblée, en tant qu'Assemblée, pose des questions, donne des avis, un petit débat. Et si ça a lieu tous les jours, on a l'impression que ça peut aussi redonner un peu de contenu concret aux assemblées. Voilà. Tu voulais finir ? Et il y a une question que je me pose aussi, par laquelle je n'ai pas complètement de réponse, c'est que notre lutte sur la place de la République, on n'est pas les seuls à la mener. Il y a plein de gens qui la mènent ailleurs, dans des structures syndicales, dans d'autres lieux, à la Bourse du Travail, sur d'autres places. Et on manque un peu, je crois, de coordination entre ces différentes luttes qui se mènent les unes à côté des autres, mais qui n'ont pas de lieu de discussion collective là-dessus. Et je trouve que moi, j'aimerais bien, j'espère encore, que l'Assemblée générale de Nuit Debout, elle puisse servir à une convergence des luttes, non pas seulement entre les commissions de Nuit Debout, mais aussi entre Nuit Debout et toutes les AG qui se tiennent à la Bourse du Travail en même temps que celle-ci ou avant celle-ci ou ailleurs. Voilà. Surveillez-vous. Alors justement, merci Isabelle. Justement, nous avons Jean Mouloud ici, qui quête. Nous sommes toujours en direct de la place de la République pour cette nouvelle soirée 82 mars. Et autour de la table, il y a Marie. Salut. Salut. Depuis tout à l'heure, on a vu des musiciens et des danseurs s'installer sur la place. Parce que ce soir, il y a un bal populaire qui est organisé à place de la République. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui fais partie de l'organisation, comment ça s'est décidé, ça, d'inviter les gens à venir danser ce soir sur la place? Bah, ça s'est décidé tout simplement, en fait, on s'est rendu compte que l'esprit des bals populaires et l'esprit de Nuit Debout était un peu le même, à savoir, à Nuit Debout, on discute tous ensemble, on refait le monde tous ensemble, et en bal populaire, en bal folk, on danse tous ensemble, sans se prendre la tête, sans savoir qui est plus légitime qu'un autre à danser, on s'en fiche un peu, et tout le monde est invité à venir danser, en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir danser, justement, ce soir ? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 espaces. Il y a un espace avec une fanfare, où là, ça sera plutôt style rock, swing, et un espace danse traditionnelle, bal folk, où là, on peut danser donc, des danses traditionnelles de France, principalement, des différentes régions. On va avoir des danses comme le cercle circassien, la bourrée de temps, la bourrée de trois temps, la valse, qui est un peu plus connue, la scottish, la mazurka, voilà. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un petit temps d'initiation tout à l'heure. Il y avait eu des espèces de un petit peu de cours, un petit peu de formation pour ceux qui voulaient apprendre quelques pas. Oui, tout à fait. Alors il y a eu d'abord une initiation à la danse italienne, à la tarentelle. Et ensuite, il était prévu qu'on fasse une petite initiation aux danses folk, justement, voilà, à 17h30. Tu me disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas du tout être timide et venir, si on avait envie de danser, même si on ne connaît pas forcément les danses, il y a souvent des danseurs et des danseuses qui prennent les gens par la main et qui les incitent qui leur apprennent les pas sur la place directement. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un plaisir pour tous les danseurs folk qui sont là depuis toujours ou depuis longtemps en tout cas, d'inviter des gens, de faire partager ces danses et d'apprendre. En fait, tout le monde s'improvise un petit peu professeur de danse. Avec différents partenaires. Donc il ne faut vraiment pas être timide, les folkeux ne mangent pas. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme instrument sur la place ce soir ? Tout à l'heure, ils étaient à peine en train de s'installer quand je suis passée. Quel type d'instrument il y aura dans les fanfares ? Alors, Il y aura, en fait, il y a des instruments que vous connaissez tous, des instruments comme le violon, il y a un clavier, il va y avoir de la clarinette, des instruments comme ça, mais également, tout à l'heure, on avait une vielle, peut-être qu'elle reviendra, une vielle à roue. On avait du banjo également, accordéon. Sur la fanfare, évidemment, sur l'espace fanfare, c'est plus du coup des cuivres, une fanfare classique. Alors de quel côté de la place vous êtes pour ceux et celles qui nous écoutent, qui aimeraient venir danser ce soir à Nuit Debout au bal populaire? Alors, la fanfare se trouve à gauche de la statue quand vous l'avez en face, et le bal folk est à peu près de l'autre côté, voilà, derrière la statue. Merci beaucoup Marie, c'est jusqu'à quelle heure ça? On peut venir danser jusqu'à quelle heure ce soir? A priori jusqu'à 22h, si les musiciens sont motivés pour danser plus longtemps, ça sera plus longtemps, voilà. Ben merci beaucoup et à tout à l'heure, et on va aller écouter ce qui se fait du côté de l'Assemblée Générale, ce qui se dit de côté de l'Assemblée Générale, avant de revenir en plateau, et on aura la commission École Debout dans un instant. Sur les points de vue, enfin de choses à faire. Après, s'il y a des gens qui tous les soirs... Si on veut se réunir tous les soirs sur la place pour débattre de ce dont on a envie de débattre, eh ben on peut le faire tous les soirs, mais à ce moment-là, c'est ben juste, enfin, c'est une assemblée. Et là, on est rassemblés. Du coup, le mot qui désigne le fait qu'on est ensemble, c'est une assemblée. Voilà. Ensuite, pour dire que on a avec Mémoire Commune qui fait la mémoire commune, en tout cas qui font les comptes rendus des assemblées, c'est que chaque jour, on peut décider collectivement de voter ou de se prononcer sur une chose. Par exemple, je pourrais vous proposer qu'on demande l'asile politique pour Edward Snowden. Donc, qui est pour ? Enfin, qui veut prendre part au vote pour demander l'asile politique d'Edward Snowden ? J'organise un vrai vote, selon... voilà... Donc, ceux qui sont contre, baissent la main. Donc, Edward Snowden, vous ne savez pas qui c'est un lanceur d'alerte qui travaillait pour la CIA et qui a dit que toutes les informations privées étaient collectées dans un but dont on ne savait pas. Donc, on va recommencer le vote. Qui veut ? Donc, le vote est le suivant. Demandons l'asile politique en France pour Edward Snowden. Qui veut prendre part au vote ? Qui est contre ? Qui est contre, il reste 3 mains. Qui est pour ? Donc voilà, donc l'Assemblée d'aujourd'hui, 82 mars, déclare que nous demandons l'asile politique pour Edward Snowden. Donc on a pris une décision collective qui nous engage pas à grand-chose, mais en tout cas on l'aura dit. Et en fait on a un registre où on tient ce qu'on a dit. Et je pense que aussi affirmer tous les soirs ce qu'on a à dire, c'est aussi une manière de s'affirmer nous-mêmes. Comme on n'a vraiment pas eu beaucoup de filles, je vais griller la queue et je vais appeler Valérie. Valérie. Merci. Bonsoir. Donc nous, c'est vrai qu'on commençait à se demander à quoi pouvaient servir les assemblées, dans la mesure où, comme la place n'est pas occupée, ce ne sont pas des assemblées qui régissent la vie d'occupation sur la place. Ça aurait pu être le cas au début si on s'était vraiment installé, mais ça n'a pas été le cas. Donc il faut absolument réfléchir à la fonction de l'AG et à ce qu'on y fait. Et ce qui nous semblait, c'est qu'il ne faudrait pas perdre le lien entre ce qui se passe dans les assemblées et les débats et ce qui se passe du côté des actions, parce que et l'assemblée et les actions seront affaiblies s'il n'y a pas de lien entre la réflexion et l'action. Et donc il faut que l'Assemblée puisse faire part une plus grande place selon l'agenda de la lutte à ce qui se passe qu'on n'ait pas peur de s'opposer là-dessus, qu'on n'ait pas peur du conflit parce qu'il n'y a pas de problème à s'opposer en Assemblée, on le fait très pacifiquement normalement. Donc du coup on pensait aussi que par rapport aux ordres du jour, il devrait être concevable que même si un ordre du jour a été fixé à l'avance, s'il y a tout à coup une question qui est urgente, l'Assemblée puisse décider en Assemblée de changer son ordre du jour et de se mettre à débattre quelque chose qui maintenant est urgent. Et donc on ne voudrait pas avoir, par exemple, comme on a vu un soir, on débattait... Moi je parle pas, on débattait de ce qui allait se passer le 18 avec la manif des flics, et tout à coup on nous a demandé d'arrêter ce débat parce qu'il était trop conflictuel, alors que c'était hyper intéressant et c'était pas du tout chaotique. Ou alors, on aimerait aussi bien ne pas avoir ce qu'on a vu jeudi, où ici il y avait l'AG de la place, et puis dans les escaliers il y avait l'AG des grévistes, et on n'est pas si nombreux que ça, on n'est pas une masse. On essaye d'avoir un mouvement politique qui a des effets, mais on n'est pas nombreux. Donc si en plus on se sépare sur cette place, on n'est déjà pas très nombreux, on ne va pas y arriver. Donc je pense qu'il faut recoordonner, il faut qu'on se parle davantage, il faut qu'il y ait davantage de liens entre la démocratie sur la place et les commissions, les actions, pour qu'il y ait plus de connexions. Et au début du mouvement, souvent, l'Assemblée était aussi un point de départ d'action. On partait à Stalingrad sauver des réfugiés ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'était un lieu où les gens se politisent, où les désirs d'agir, ils trouvent un objet, ils trouvent des compagnons pour agir. Et donc l'Assemblée avait un sens. Donc moi je pense que cette question du sens de l'Assemblée est vraiment importante. Et finalement la dernière chose par rapport à ce que vient de dire Mathieu sur le vote qu'on vient de prendre, oui, ce genre de vote, moi je pense que c'est bien, mais dans ce cas-là il faut un exécutif, il faut en faire quelque chose. Si on appelle à accueillir Snowden, moi je suis d'accord, mais il faut le faire. Donc le problème aussi par rapport aux âgés, c'est qu'on vote des trucs et on a l'impression que ça va se dissoudre, on ne sait pas ce que ça devient. Donc voilà. Moi j'ai un lit chez moi pour Snowden. Nous quittons l'AG, place de la République. Une place de la République ce samedi soir qui se remplit. Beaucoup de commissions sont présentes et Radio Debout est aussi fidèle au rendez-vous. Et nous sommes avec Agnès. Nous allons parler école, lycée, collège, éducation. Agnès, vous êtes enseignante. Oui, bonsoir. Oui, je suis enseignante dans le premier degré et je participe à la commission éducation depuis quelques semaines déjà. Et alors cette commission, elle est née comment? Elle est née dès le début du mouvement Radio Debout et Nuit Debout? Alors moi, je n'y suis pas arrivée dès les premiers jours. J'y suis arrivée au bout de 8-10 jours et donc j'ai raté le début. Je ne sais pas vous raconter ce qui s'est passé au début. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs groupes de travail à l'intérieur. Et dans les groupes de travail qui ont initié l'activité de la commission éducation, il y a le groupe de travail qui a écrit le manifeste. Et un groupe action qui est aussi composé de personnes assez actives dans les mobilisations des établissements scolaires en ce moment. Agnès, vous faites partie de quelle commission, de quel groupe? Moi, je travaille en particulier autour du livre blanc qui est en cours de construction et de consolidation, c'est-à-dire qu'on essaye de lui trouver une trame sur laquelle travailler tous ensemble, et on travaille avec l'apport des assemblées qui se tiennent deux fois par semaine. On fait des comptes rendus, on a des débats au cours de ces assemblées et on en tire des idées et des propositions, et on essaye de tout récupérer aussi, de tout composer avec le cahier de doléances dans lesquels sont proposées beaucoup de choses pour faire changer le système éducatif et l'éducation qu'on a aujourd'hui. Alors des livres blancs sur le monde de l'éducation en France, il y en a déjà eu beaucoup. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de supplémentaire? Ben celui-là, déjà, il est à ses débuts, donc il essaye de se trouver une introduction, une façon de fonctionner différente. Et donc ça, c'est en construction, et c'est avec les assemblées des mercredis et des dimanches qu'on essaye de construire ensemble et de faire participer un maximum de gens, et pas que des enseignants, et pas que des gens qui sont le nez dedans toute la semaine, mais des animateurs, des personnels qui travaillent dans les écoles et dans les établissements scolaires qui ne sont pas dans les classes directement, des parents d'élèves et des étudiants, des lycéens. On essaye d'avoir un petit peu des avis et des propositions de tout un tas de gens qui sont concernés, puisque l'éducation concerne tout le monde finalement. Et cette ouverture, c'est peut-être justement quelque chose qui n'est pas suffisamment développé dans le monde de l'enseignement et dans toutes ces réformes dont on entend parler, puisque chaque ministre qui arrive avec sa réforme. C'est ça, c'est vraiment ce qui transparaît le plus dans les commissions et quand on en discute en général autour de nous, c'est que les réformes se font se font et nous arrivent dessus à tous sans qu'on ait vraiment l'impression d'avoir été entendu sur les améliorations qu'on pourrait apporter quand on a traversé le système éducatif d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on aimerait pouvoir proposer dans le livre blanc, c'est des choses concrètes, très concrètes, qui prennent vraiment en considération ce que les gens proposent de leur vécu, de leur témoignage et de leurs idées pour permettre d'épanouir les futurs citoyens, pour permettre que l'éducation soit vraiment un élément de cohésion et pas juste un sujet de conflit comme c'est souvent le cas. Vous avez un exemple ? Un exemple concret là ? De propositions, mais par exemple dans les différents groupes de travail, il y a le monde des pédagogies qui propose en principe le samedi après-midi, un exposé sur une pédagogie qu'on appelle aujourd'hui une pédagogie alternative, alors soit la pédagogie Freinet, soit un groupement de réflexion comme le GFEN et un groupe actif d'ailleurs comme le GFEN, soit Freinet, Montessori, etc. Et en fait, dans les idées qui émergent de la commission éducation, ce serait qu'il faudrait intégrer les pédagogies dites alternatives à l'ensemble du fonctionnement du système éducatif public et que tout le monde, auquel tout le monde aurait droit et pas seulement les initiés et les personnes qui connaissent les chemins d'accès qui ne sont pas forcément ceux de l'école publique. Alors Agnès, il y a quelques minutes, vous avez parlé d'un manifeste. Alors ce manifeste a été publié sur un blog du site internet Mediapart. Je vais en lire un extrait, le premier point. Donc ce manifeste qui est intitulé « École debout », premier point est « Combattre les politiques inégalitaires en matière d'éducation qui sacrifient des quartiers et des populations entières. Une véritable politique d'éducation prioritaire doit prendre en compte les besoins de tous les établissements, doit permettre la baisse significative des effectifs par classe et donner les moyens humains suffisants pour répondre aux enjeux sociaux. Il faut aussi mettre fin aux politiques d'austérité et attribuer les moyens nécessaires à un système éducatif de qualité. » Alors il y a comme ça dans ce manifeste 9 points qui ont été écrits, élaborés, qui sont donc disponibles si on veut en savoir plus sur le site de Mediapart. Vous n'avez pas participé à cette écriture, hein. L'écriture a été préparée par un groupe avant que j'arrive et moi j'ai participé aux dernières finalisations quand on l'a proposé en assemblée, qu'on a amendé, réécrit certains passages avec la participation des gens qui étaient sur la place en assemblée un dimanche. Depuis la publication de ce manifeste, vous avez eu des retours ? Est-ce que les commissions se sont remplies ? Est-ce que des gens sont venus vers vous ? Alors, du point de vue du lien qui se fait après le manifeste, il y a beaucoup de retours qui sont faits sur le site de Mediapart, apparemment. Et on invite régulièrement les gens qui proposent des ouvertures à venir nous rejoindre sur la place pour en discuter et pour participer concrètement à l'écriture du livre blanc, justement. Alors, l'éducation, c'est évidemment toute la France. Il y a... des enseignants, il y en a évidemment aussi en région. Est-ce que vous, qui travaillez depuis Paris, depuis la place de la République, vous êtes en contact avec des enseignants qui ont un même cheminement dans les autres villes de France ? Alors le contact essaye de s'établir concrètement parce que on essaye d'avoir une visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur par le biais d'Internet et par l'apport des gens qui viennent en commission nous dire qu'ils viennent d'autres villes. On essaye de faire du lien en gardant un contact au maximum, mais il n'y a rien encore très très concret qui soit construit. Mais je pense qu'on est au début de quelque chose et qu'on aimerait bien construire ce lien avec d'autres villes, évidemment. Alors vous, Agnès, pourquoi participez-vous à ces commissions Nuit Debout ? Dans le monde de l'éducation, il y a des syndicats pour défendre la position des enseignants, il y a des instances qui existent. Pourquoi finalement vous ne vous tournez pas vers ces instances-là plutôt que vous venez vers Nuit Debout, quoi ? Alors, personnellement, et je connais pas mal de gens qui sont dans le même cas autour de moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est trop pyramidal dans tout ce qui se fait en termes d'éducation, entre le ministère et le terrain d'activité, entre les différentes réformes, les points de vue des syndicats qui sont différents selon les syndicats, même s'il y a toujours une ligne, une ligne assez, assez porteuse de même changement et de même amélioration. Globalement, ce qui me paraissait différent ici à Nuit Debout, c'est de faire participer les gens de tous les côtés, pas que les enseignants vis-à-vis de l'administration et les syndicats vis-à-vis des conditions de travail, mais de faire participer les usagers, les parents, les élèves, quand c'est possible, et de faire participer aussi les gens qui ne sont pas nécessairement dans l'école, parce qu'on a aussi entendu et on essaye de faire participer de la même façon des gens qui ne sont pas dans le système scolaire parce que justement ils n'en sont pas satisfaits, et ça serait bien qu'on puisse les entendre et les intégrer à une réflexion complète sur l'éducation en général. Agnès, quand vous parlez de ce que vous faites Place de la République au sein de votre établissement scolaire, les collègues sont curieux, les parents d'élèves s'intéressent ou vous n'en parlez pas ? Alors il se trouve que moi j'ai un statut très mobile dans le système où je travaille, donc je traverse plusieurs écoles et je diffuse autant que possible autour de moi. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, à part inviter davantage de gens à venir nous rencontrer et participer au groupe de travail, le retour que j'en ai est vraiment de la curiosité et un intérêt qui attend, je pense, que ce soit qu'il y ait quelque chose de plus concret, de plus porteur de projet. Et là, on est en train de construire là-dessus et on essaye de faire plus concret. Alors, quelqu'un souhaiterait participer à cet élan, il peut s'inscrire dans quelle direction de réflexion, quelles actions ? Alors, on a tous les mercredis à 18h, l'Assemblée Générale de milieu de semaine, là, du mercredi. Donc ça, c'est Place de la République. Place de la République. Le dimanche, c'est à 15h30. Et à l'intérieur de ces commissions où on discute, on débat, on peut s'inscrire sur la liste de diffusion. On peut également prendre les indications pour le site de la commission éducation sur lequel il y a un forum et sur lequel on peut aussi s'inscrire et participer au groupe de travail des différentes... Alors ce site, on peut le citer ? Oui, c'est juste que c'est un que j'ai pas par cœur. Il y a aussi le groupe témoignage, c'est le groupe témoignage qui recueille des témoignages de tous les usagers qui ont envie de participer et qui a aussi une adresse mail pour communiquer. Mais le site, c'est un nuitdebouteduc.wix.com. D'accord, et puis donc je rappelle que sur Mediapart, sur un blog de Mediapart, donc un article ouvert, il est possible d'aller voir ce manifeste et ce manifeste renvoie vers des liens, donc là aussi il est possible de s'informer. Merci Agnès, merci. La lutte continue et bonne soirée sur la place de la République. Nous retrouvons l'AG qui continue son bonhomme de chemin. Et qui s'exprime pas très bien français, est-ce qu'on aurait éventuellement un interprète en roumain ? Voilà, c'est hyper pointu. Mais voilà. On va mettre fin au débat sur le processus de vote. Je pense que ce sera de toute façon amené à en reparler dans les jours et semaines à venir. Ça n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive. On va profiter de ce moment pour changer de modérateur. Je vous rappelle que de toute façon, pour le moment, on a eu l'intervention de 3 femmes, ce qui est hyper léger, hein, dans l'idée qu'on voudrait avoir un système dit de braguette, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. On est... Ouais, je préfère braguette que fermeture éclair, moi. Il y a un côté plus cash. Donc n'hésitez pas, vous êtes... Ah, on a une fille qui veut parler. Ah, non, on a un interprète. Je vous laisse voir ça. On va changer de modérateur. Ah, elle est partie où ? Mademoiselle. Ah, voilà. Donc nous allons maintenant aborder tout ce qui est l'action, les coms, voilà, des tas de gens vont venir vous parler de ce qui se passe, de ce qui va se faire, de ce qui s'est fait, et voilà. Je te passe le relais. Et bah, tu vas appeler la commission SDF. Bien. Alors, j'appelle la commission Action Quartier Populaire. Et vous voilà. Eh bien, allez-y alors. Bonsoir à tous. Je me présente brièvement. Je m'appelle Loubna, de la commission Action depuis quasiment le début, depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, en fait, je viens vous parler pas forcément au nom de la commission Action. Voilà, on a parlé des processus de vote. À la base, en fait, dans la commission Action, on n'avait pas forcément de processus de vote, on n'en a toujours pas. C'est qui propose, organise. Par contre, là, je viens vous parler aujourd'hui d'une proposition qui, elle, a été votée, qui a été initié par le DAL, donc droit au logement, et que je pense qu'il est très très important en fait de soutenir, de se mobiliser autour. Parce que en fait, voilà, on a chacun forcément aussi nos objectifs ou nos combats, nos luttes au quotidien. On s'est divisé pas mal en commissions, etc. Il y a pas mal de débats qui se développent, mais il faut qu'aussi en parallèle, il y a des actions concrètes. Et donc voilà, c'était effectivement mon combat depuis le début. Et l'un des combats aussi, c'est aussi justement les quartiers populaires. Depuis le début, on parle de les quartiers populaires, on en a besoin, il faut qu'ils viennent, etc., etc. Et bien en fait, plutôt qu'ils viennent, il faudrait aussi qu'on se mobilise avec eux dans les luttes qui existent déjà. Et notamment là, je viens vous parler d'une lutte qui existe au quotidien depuis plusieurs semaines à Romainville, où le quartier en entier est en danger d'expulsion. Du coup, bah, je pense que c'est très important aussi qu'on puisse s'associer à ce genre de lutte-là et qu'on arrête un petit peu de se regarder le nombril et de se diviser entre nous. Au contraire, il faut s'unir. Il faut s'unir entre nous. Il faut se coordonner toutes les commissions. Et il faut aussi soutenir bah, les collectifs qui sont aussi avec nous, toujours ici présents, le DAL qui est là depuis le début et qui propose des actions concrètes. Donc là, aujourd'hui, je viens vous parler donc, d'une action concrète, la marche qui est prévue et le concert demain. Donc en fait, il y a un concert militant qui sera prévu sur la place avec notamment HK et d'autres intervenants militants qui vont venir en fait expliquer leur lutte au quotidien, ce qui se passe dans les quartiers populaires pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, voilà, c'est un concert justement militant avec coupé d'interventions qui sera de 17h à 22h sur la place, derrière la statue pour être plus exact. Et ensuite, bah, l'idée, en fait, justement, c'est qu'on puisse être tous ensemble pour organiser une marche tous ensemble, pas une marche qui irait de nulle part pour aller nulle part, mais une marche qui aurait des points précis de passer dans les quartiers populaires qui sont déjà en lutte, de les rejoindre, de les soutenir, de se mobiliser avec eux. Notamment, donc, du coup, pour organiser cette marche-là, il y a une réunion qui se prévoit jeudi prochain à 18h sur la place avec la commission Le DAL, avec la commission des banlieues. Quelle commission encore ? Banlieue debout. Et quartier populaire. Quartier populaire. Commission action, forcément, et d'autres encore. Donc voilà. Ok, donc voilà, je m'arrête juste là, mais il faut juste se rappeler que voilà, il faut s'unir, il faut se rassembler au-delà de nos divisions et il faut converger, justement, ce mot converger qu'on utilise depuis le début, mais qui pour l'instant en pratique n'a toujours pas lieu. Et plutôt que de proposer des actions où on ne sait pas trop où elles vont, plutôt ben, en fait, rejoindre des actions concrètes avec des collectifs et des quartiers qui sont déjà en lutte. Juste une précision. Non, je ne vais plus jamais travailler, plutôt crever. Radio Debout. Radio Debout, 82 mars, nous allons accueillir le lieutenant-colonel Jean-Hugues Matelli. Lieutenant-colonel Jean-Hugues Matelli, est-ce que vous m'entendez ? Ah, on va bientôt être en ligne. Oui, bonsoir, lieutenant-colonel Jean-Hugues Matelli. Oui, absolument. Alors, bonsoir, vous êtes retraité de la gendarmerie depuis février 2016. Tout à fait. Mais toujours sociologue au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, donc le CESDIP, c'est un laboratoire du CNRS. Vous avez, oui. Donc, vous avez donc exercé ces deux métiers, gendarme et sociologue, en parallèle. C'est peu oui, cool. Alors c'est pas, mon métier était clairement celui de gendarme, mais les activités de chercheur peuvent être faites de manière différente, et donc j'ai pu mener certaines recherches en parallèle, effectivement. D'accord. En 2009, une procédure disciplinaire interne vous a décrit comme un élément ayant manqué gravement à son devoir de réserve. Tout à fait. Puis le 12 mars 2010, vous êtes radié des cadres de la gendarmerie nationale par mesure disciplinaire suite à un décret du président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le devoir de réserve et ce qui vous est arrivé à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Le devoir de réserve est une règle applicable aux fonctionnaires en général et aux militaires en particulier, elle est plus ferme chez les militaires, qui veut que les fonctionnaires et les militaires, donc, ne doivent pas s'exprimer dans la sphère publique de manière critique par rapport aux positions officielles, ne doivent pas débattre, ne doivent pas questionner la politique du moment. Alors, vous, à l'époque, vous avez été sanctionné parce que vous êtes opposé au rapprochement entre la police et la gendarmerie. C'était un thème qui agitait un petit peu le milieu à l'époque. Et donc le rattachement au ministère de l'Intérieur, c'était ça qui vous préoccupait ? Oui, tout à fait. À l'époque, le problème nous semblait particulièrement important. Il faut se replacer dans le contexte de la politique voulue par M. Sarkozy, et notamment celle de la culture du résultat, qui était vraiment contraire à l'esprit de la gendarmerie, qui n'est pas tant la recherche de résultats chiffrés, mais un service à la population. Et on craignait que le rapprochement police-gendarmerie finisse par faire perdre son âme à la gendarmerie nationale. D'accord, vous nous expliquerez peut-être plus tard ce que l'âme de la gendarmerie nationale. Mais alors, donc du coup, là, vous avez fait partie donc d'un groupe de sociologues, et c'est pour ça, en fait, qu'on vous a sanctionné, c'est parce que vous avez exprimé votre opinion en tant que sociologue, alors, c'est ça ? C'est tout à fait ça, c'était un article écrit avec deux confrères, Laurent Mucchielli et Christian Moina, et même si ma qualité d'officier de gendarmerie n'y apparaissait pas, je m'étais sanctionné pour cela. Mais ceci dit, j'étais un coutumier de l'expression libre chez les militaires. Oui, vous avez une réputation de personne qui a pas mal transformé l'ambiance à la gendarmerie. C'est-à-dire que vous avez été un des premiers à militer sur ces questions-là. Oui, en tout cas, j'étais un des premiers, effectivement, à militer pour revenir, en fait, à des valeurs qui me semblent être celles d'un militaire dans une république, c'est-à-dire qu'il reste aussi un citoyen et qu'il doit pouvoir participer au débat et informer aussi les autres citoyens qui sont souvent très mal informés sur les questions de sécurité et de défense. Alors, donc, en 2009, procédure disciplinaire, et en 2011, première victoire, vous gagnez en référé auprès du Conseil d'État qui demande à la gendarmerie de vous réintégrer. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, honnêtement, la gendarmerie reste une institution très très respectueuse du droit, et donc, à partir du moment où la décision de justice est tombée, l'affaire a été entendue, et ça s'est passé sans grande difficulté, en fait. Alors là, donc, vous êtes réintégré, vous retrouvez à la direction de la gendarmerie, comme chef de la section ingénierie et pilotage en matière de formation, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Oui. Mais c'est une parenthèse, en fait. Alors là, plus de travaux de recherche, plus d'interviews dans les médias. Vous avez calmé le jeu comment ça s'est passé ? Oui, très très très clairement. La décision du Conseil d'État, si vous voulez, que c'était prononcée sur cette affaire, avait clairement dit que, effectivement, le devoir de réserve avait été violé et avait sanctionné uniquement sur la disproportion de la sanction, à savoir la radiation des cadres, c'est-à-dire le fait d'être viré de l'armée, qui était effectivement disproportionné. Mais dès lors que, malgré tout, le Conseil d'État estimait que, même si je m'exprimais en tant que chercheur, décidément beaucoup de tons en fond de sonore, je ne sais pas si je suis entendu. Alors, c'est des pompiers en convergence avec des motards. Voilà. Oui, vous êtes entendu. Hein. On vous signale juste c'est des pompiers qui sont en convergence de lutte avec des motards, apparemment. Là. Enfin, ils sont passés ensemble. Voilà. D'accord. Oui. Alors, donc vous disiez. Donc, je viens de tirer la conclusion que le Conseil d'État, si vous voulez, estimait de toute façon que même le fait d'avoir un doctorat de sciences politiques et d'être chercheur associé n'avait aucune influence sur le devoir de réserve de la même personne qui était militaire par ailleurs, et que dès lors, il n'était pas possible de mener quelques travaux que ce soit en ayant sans arrêt l'épée de Damoclès du fait de plaire ou de ne pas plaire au gouvernement en place. On ne peut pas avoir un avis objectif si on raisonne comme ça. D'accord. Alors, vous étiez un poste qu'on peut considérer comme un vrai poste, ou c'était un petit peu quand même du placard en 2011 ? Non, c'était un poste qui correspondait à ma situation de carrière à ce moment-là. Étant entendu que, bien sûr, ces événements n'ont pas milité pour le fait que j'ai un déroulement de carrière en termes d'avancement, etc., qui soit excellent. Mais non, il n'y avait pas... Il n'y a jamais eu au sein de l'institution une volonté, vous voyez ce que je veux dire, d'une revanche ou d'une vengeance par derrière. Ça, c'est pas du tout le genre de la maison. D'accord. Ensuite, en 2012, arrive l'alternance, donc l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Et le 1er janvier 2013, vous devenez lieutenant-colonel, vous êtes promu par décret du président de la République en date du 28 décembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a valu ce retour en grâce et cette promotion ? La loi prévoyait plutôt à l'époque un avancement automatique au bout d'un certain nombre d'années. Donc j'ai purement et simplement bénéficié de cet avancement automatique. J'étais à la dernière limite de date, et donc c'était obligatoire. Aucun pouvoir ne pouvait l'empêcher. D'accord. Et alors, le coup de théâtre, 2 octobre 2014, donc la Cour européenne des droits de l'homme rend un jugement favorable dans le dossier qui vous oppose à la gendarmerie française. Et ça, ça a des conséquences incroyables. Donc, quelles sont les conséquences de cet épisode au niveau français et européen? On va commencer peut-être par le niveau européen. Oui. Alors, il faut bien voir que c'est un peu un autre sujet. C'est-à-dire que je me suis toujours battu sur la liberté d'expression. Et la liberté d'expression a 2 volets. Le plan de la liberté d'expression individuelle, c'est celle typiquement du chercheur qui veut s'exprimer ou du militaire qui veut s'exprimer à titre individuel. Et l'expression collective, qui est celle d'un regroupement de personnes dans des associations, par exemple dans des associations professionnelles, qui étaient interdites dans les armées. Et ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme saisie par mes soins en 2014, c'est que la France est en infraction et elle ne doit pas interdire la création d'associations professionnelles ou de syndicats, ensuite c'est une question sémantique, de militaires dans les armées. Voilà. Et là, effectivement, c'est une vraie révolution dans les mondes militaires. Ça veut dire que toutes les armées qui dépendent, en gros, du Conseil de l'Europe, hein, je vais résumer comme ça, ont maintenant obtenu le droit de se syndiquer, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc ça fait 40 et quelques nations du Conseil de l'Europe. Alors sachant qu'il y avait déjà un certain nombre de pays qui disposent d'un véritable droit syndical ou d'association professionnelle. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense donc des pays de cultures différentes des fois. Hein. Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes vous avez permis donc de se constituer en association ou de se syndiquer? Vous oui, savez quel volume ça représente? J'ai pas calculé cela exactement, mais effectivement le nombre de militaires sous les armes dans tous les pays du Conseil de l'Europe, c'est plusieurs millions effectivement de militaires. Ah voilà, c'est bien ça le chiffre. Hein. Alors, au niveau français, on va revenir au niveau français, vous avez créé Gendes 21, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Alors, premier syndicat français de gendarmes depuis le 2 janvier 2015 précisément, mais pourquoi cette date? Alors, cette création était tout simplement pour utiliser très vite les possibilités ouvertes par la voie européenne, parce que il faut bien aussi être conscient que les militaires sont extrêmement, à la fois pour certains d'entre eux, craintifs sur ce sujet, et pour certains d'entre eux, tout simplement hostiles. Et ça, c'est une position intellectuelle qui est parfaitement respectable aussi. Donc il me paraissait important de montrer qu'il y avait en tout cas au moins une petite dynamique et pour ne pas laisser en tout cas les choses en l'état, ce qui aurait pu inciter les pouvoirs publics français à finalement retarder ou différer ou carrément oublier la mise en œuvre de la jurisprudence européenne. Voilà, donc il fallait se dépêcher de bien attendre le 2 janvier 2015 pour... Que donc il était important que le législateur français s'en saisisse, ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque la loi française est intervenue quelques mois plus tard. D'accord. Alors Jean-Hugues Mattelli, l'arrêt de la Cour, je lis, là je cite, ça dit qu'on ne peut pas interdire purement et simplement les syndicats dans l'armée. En revanche, il précise que des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'association par les membres des forces armées, puisque la spécificité des missions de l'armée exige une adaptation de l'activité syndicale. En clair, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin quand on crée un syndicat de gendarmes. Mais ça paraît évident, et c'était évidemment dans la ligne intellectuelle qui était la mienne et celle des camarades qui se sont associés pour créer ce mouvement, c'est qu'on comprend bien qu'un militaire ne va pas faire grève. On comprend bien qu'un militaire n'est pas là pour manifester contre les forces de l'ordre ou lancer des pavés, ce genre de choses. C'est pas possible. Pourquoi pas faire grève de quel problème de sécurité nationale est-ce que ça poserait? Mais ça poserait tout simplement que la défense de la France et la sécurité de la France, qui doit être évidemment permanente, serait temporairement affaiblie. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible de dire que moi qui suis considéré comme quelqu'un qui est très allant sur ces questions-là, je suis contre, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous trouverez pas grand monde dans les forces armées françaises qui soit d'accord avec cette option-là, même si alors, d'autres pays qui n'ont pas les mêmes responsabilités, je pense à des pays qui sont des puissances qui interviennent beaucoup moins à l'étranger, par exemple, je crois à la Belgique, par exemple, ou aux Pays-Bas, ce droit de grève est reconnu et encadré. Mais vraiment, c'est pas ça la question. Pour moi, la question clé, c'est la possibilité d'avoir des militaires représentant d'autres militaires qui vont pouvoir s'exprimer dans un média, quel qu'il soit, et développer une thèse, une vision des choses qui n'est pas forcément celle du pouvoir politique en place. Parce que le pouvoir politique, quelle que soit sa légitimité, évidemment démocratique, etc., peut des fois se fourvoyer dans un certain nombre de décisions, ou peut avoir une communication tronquée à des fins électoralistes, et il est important que dans le débat public, tous les avis interviennent. Alors vous pouvez nous rappeler les trois premiers articles de la charte de votre syndicat ? Alors, je les ai plus exactement en tête, puisque vous savez que maintenant je suis à la retraite, je ne suis plus à la direction de ce syndicat. Ah bon, alors je voulais, mais pour nous, il était très important de conserver l'ensemble des éléments fondamentaux de l'armée de la République. C'est-à-dire que si la liberté d'expression est un élément fondamental, elle ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité des Français, de l'efficacité de la force armée. Et donc on a mis tout un certain nombre de restrictions de notre propre fait à notre action. Je pense par exemple que, à titre d'exemple, on s'interdit la position de banderole ou autre signe à l'extérieur des casernes, évidemment la grève, évidemment tout un certain nombre de moyens d'action qui ne nous paraissent pas appropriés. Quel est votre regard sur le mouvement de Nuit Debout en tant que gendarme et en tant que sociologue ? Peut-être c'est distinct ? Alors, c'est évidemment distinct, mais dans tous les cas, je suis plutôt, d'une manière générale, partisan de tout ce qui permet aux citoyens d'agir, d'être actifs dans la prise en main de leur destinée politique. En réalité, dans notre société, on est plutôt face à une certaine apathie, à une certaine indifférence par rapport à ce qui se passe dans la sphère publique, et parce que finalement, pas grand monde s'en mêle, finalement, ça donne l'impression que les pouvoirs politiques ont une large marge de manœuvre et autres. Ensuite, il y a la question de le niveau de l'action. Je suis par nature, évidemment, hostile à tout ce qui serait une action violente, une action qui serait irrespectueuse des grands principes de fondamentaux de la République. Mais le fait de réfléchir, de débattre, etc., ça fait partie, par contre, clairement, d'un fonctionnement démocratique. Cette question de la violence que vous évoquez, est-ce que pour vous, l'image du mouvement Nuit Debout est associée à cette notion de violence, à ces images de voitures qui brûlent ? Non, mais en plus, c'est toujours extrêmement difficile, y compris si on se place du point de vue des forces de l'ordre, de faire le tri entre des exactions qui sont directement liées à un mouvement social quel qu'il soit, ça peut être les manifestations sur la question du temps de travail ou autre, et celles qui sont commises à la marge par des gens qui ne sont pas des militants de ce même mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement délicat de faire la part des choses, surtout qu'on sait que tout débordement de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien de la part des forces de l'ordre que de la part de gens qui sont autour de la médiation, sera instrumentalisé par les uns et par les autres pour faire monter la mayonnaise, si vous permettez l'expression. Donc voilà, c'est très difficile. Moi, je pense que, malgré tout, le cœur du mouvement qui est une question centrée sur le débat, et même si j'ai noté quelques excès aussi du mouvement sur le fait de ne pas vouloir forcément écouter tous les avis ou tous les débatteurs potentiels, mais ça reste un mouvement typiquement citoyen et qui va bien avec la République, quoi. Alors d'après vous, quelle pourrait être la place de gendarmes sympathisants dans un mouvement type Nuit Debout ? Alors, de gendarmes sympathisants, je suis pas sûr que, là aussi, la sociologie des membres des forces de sécurité n'est pas forcément la même que celle des acteurs engagés dans Nuit Debout, parce que, tout simplement, on s'engage dans les forces de sécurité, dans les forces militaires, dans notre société d'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, hein, avec une idée qui est quand même plutôt une idée d'ordre, une idée, je vais être caricatural et je m'en excuse auprès des gendarmes ou des musiques que je viens de vous dire, mais une idée un peu conservatrice, et je dis, c'est pas forcément lié à la chose militaire, parce qu'on voit bien que, par exemple, dans tout le début du 19e siècle, mais parce que c'était lié à la Révolution française, au contraire, les forces armées françaises étaient assimilées au sein de la société par une force qui était plutôt une force de gauche. Parce que c'était quelque part une émanation, malgré l'Empire, une sorte de réminiscence de l'armée de la Révolution. Mais aujourd'hui, clairement, les gens qui sont dans les forces armées sont plutôt des gens qui se voient comme des gens défenseurs de l'ordre. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gendarmes, de policiers qui spontanément viennent participer au débat de Nuit Debout, mais pour autant, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, fondamentalement, dès lors qu'ils le font à titre personnel, parce qu'ils viennent s'informer, etc., fondamentalement, rien ne l'interdirait. On peut quand même rappeler, sans trop s'avancer, que votre point de vue est très minoritaire à la gendarmerie. Enfin, ça, il faut alors, quand même le rappeler. Ce que je veux dire, c'est que je suis plutôt un gendarme libéral, si vous voyez ce que je veux dire, sur ces positions-là, puisque je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Et c'est pour ça que je relativise, je dis, à mon sens, vous n'aurez pas grand gendarme ou policier partisan de Nuit Debout. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des manipulations par les uns ou par les autres. Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie des forces publiques visant au pourrissement d'un mouvement social ? Et dans ce cas-là, quelles en sont les recettes ? Alors, déjà, il faut bien comprendre que ça ne peut pas être une stratégie des forces de l'ordre. C'est que les gendarmes et les policiers sont finalement des exécutants. Et qu'une stratégie de ce type-là ne peut être peut-être décidée, mais elle ne peut être décidée qu'au niveau politique. Voilà, c'est bien ça que je vous parle. Comment est-ce que vous avez... Ça ne peut être que le pouvoir politique qui peut dire « je laisse pourrir le truc », etc. Est-ce que vous et fondamentalement, ça n'arrange personne. Pas plus les gendarmes que les policiers qui ont encore autre chose à faire. Est-ce que vous avez des exemples de tambouilles qu'on vous a imposées comme ça ? Donnez-nous des exemples, si vous en avez. Non, parce que ce sont des décisions qui ne sont pas explicites. D'abord, qui se prennent à un niveau qui n'a jamais été le mien, mais en plus, qui ne sont pas explicites. On va juste dire aux forces de l'ordre que finalement, on laisse faire, je reprends l'exemple, on n'évacue pas à telle place, on laisse se dérouler le mouvement, et on l'encadre, et on durera le temps qu'il faudra. Voilà. Et je le redis, c'est quelque chose qui n'est pas non plus intéressant du point de vue des forces de l'ordre, puisque d'abord, elles ont d'autres missions. D'abord, ce sont des missions qui sont aussi usantes physiquement, usantes moralement. Mais ça, c'est le choix du pouvoir politique. Et les gens qui pourraient vous répondre sont placés à des niveaux de direction que je ne connais pas. Enfin, que je connais, mais dont je n'ai pas d'informations particulières. Alors, il a été reproché au mouvement de ne pas savoir canaliser les casseurs. Si le mouvement Nuit Debout décidait de court-circuiter les casseurs, quels seraient les moyens légaux à sa disposition ? Est-ce qu'une délégation de la violence légitime de l'État à la commission Sérénité, nous on appelle ça comme ça, c'est le service d'ordre, c'est la commission Sérénité, est-ce qu'une délégation de la violence légitime de l'État est pensable ? Non, typiquement, il n'y a pas de délégation par l'État, ou alors c'est dans des sociétés de sécurité privée, et on voit bien que c'est quelque chose qui se fait de manière extrêmement modérée, même si la dynamique depuis un certain nombre de décennies va dans ce sens-là. Mais en fait, très clairement, l'État fait référence là à des organisations syndicales de longue date qui ont des services d'ordre extrêmement structurés. Je pense par exemple à la CGT, mais par définition, je dirais que votre mouvement est à la fois trop jeune et a une structure qui n'est pas, me semble-t-il, hein, vu de l'extérieur, une structure hiérarchique qui se prête à un service d'ordre suffisamment capable de justement assurer des missions que, par exemple, le service d'ordre d'un syndicat peut gérer en périphérie de manifestation. Alors, et on voit bien que même chez les syndicats qui en ont dans l'expérience et les moyens, c'est pas toujours facile. Et c'est pas une garantie qu'il n'y ait pas en marge d'une manifestation des exactions. Alors, on a effectivement des syndicats, des services d'ordre de syndicats qui sont armés de bâtons, de gourdins, hein, on peut même dire. C'est légal ? Oui, c'est-à-dire que la manière dont les manifestants s'organisent pour s'exprimer dans la voie publique est d'abord fait l'objet d'abord d'une déclaration, vous savez, déclaration auprès des autorités. Voilà, auprès des autorités. Alors, je passe la question particulière de l'état d'urgence, parce qu'on est dans une situation un peu paradoxale, où on nous dit qu'on continue à vouloir faire un état d'urgence, mais que, de notre côté, finalement, on laisse faire beaucoup de choses. Mais enfin, ça, c'est une autre question qui est juridique. Mais ceci étant, la discussion autour de l'autorisation qui est donnée à la manifestation, enfin, l'absence d'interdiction de l'attroupement, se fait avec les éléments concrets que fournissent les organisateurs à la préfecture de police, si je parle en exemple de Paris. Donc un syndicat peut très bien dire, voilà, moi je compte organiser mon défilé de tel endroit à tel endroit, sur tel itinéraire, et pour favoriser la bonne marche des choses, je compte mettre en place un service d'ordre, des gens qui vont être devant, sur les côtés, etc. Voilà, ça fait tout à fait partie des choses qui peuvent se faire. Alors ce sera ma dernière question. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la gendarmerie nationale sous le quinquennat de François Hollande, que vous avez pu évalué pendant 2 ans. Oui, et disons que d'abord, c'est une bonne chose, c'est qu'on n'était pas dans une dynamique qui, très clairement, dans les 10 années précédentes, avait été une dynamique de réduction d'effectifs. Pardonnez-moi, dans les 5 années précédentes, en fait, c'était la présidence Sarkozy qui a été une forte réduction d'effectifs. Les 5 années antérieures, il y a encore eu une hausse, qui était une réduction d'effectifs massive qui concernait les gendarmes et policiers et l'ensemble des fonctions publiques. D'ailleurs, c'était celle mise en place sous l'égide de la RGPP. Donc ça s'est arrêté. Au contraire, il y a eu une hausse très modérée au début, peut-être plus importante maintenant, mais ça demandera de confirmer pour les effectifs et les moyens. Et que d'autre part, on sentait bien que sur la présidence précédente, il y avait quand même une très forte volonté de mettre la gendarmerie sous le contrôle de la police nationale d'une certaine manière ou comme une force supplétive, et que ça, c'est typiquement pas la culture des gouvernements socialistes, d'ailleurs depuis de longues dates aussi, hein, bien avant François Hollande, et que donc ça a permis de remettre un certain équilibre entre police et gendarmerie, les deux ayant, en mon sens, leur place, et de toute façon, les citoyens français ne pouvant pas, à coût égal, se permettre de perdre la gendarmerie ou alors au risque de sacrifier la sécurité de nombreuses. Est-ce qu'on vous verra un jour place de la République, Jean-Luc Mattelli ? Non, parce que je suis à la retraite, je suis très loin de Paris, et que même si je regarde toujours la mobilisation citoyenne d'un œil toujours plutôt favorable au départ, j'estime avoir déjà apporté ma pierre à l'édifice, d'une certaine manière, sur la liberté d'expression des militaires, et qu'il faut savoir laisser la place aux jeunes, ce que d'ailleurs nos hommes politiques ne laissent pas forcément toujours faire. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Jean-Hugues Mattelli, de la Gendarmerie nationale. Et maintenant une petite page à la retraite depuis quelques mois. Oui. Voilà. Et maintenant une petite page. Merci à vous, une petite page de pub. Camarade gendarme ou policier, tu en as assez de taper sur des innocents avec ta matraque. Tu en veux à tes supérieurs de te placer dans cette situation de détresse psychologique inacceptable. Heureusement, il existe désormais une matraque 2 en 1, capable de stocker 50 doses de produits opiacés dans son réservoir. Avec un effet très, très, très relaxant et immédiat. Un doute, un remords, hop, une petite dose de schnouf et ça repart. Le bâton de percher, de juste un petit coup, pour que la répression redevienne un vrai plaisir. Après cette petite page de pub, nous retournons à l'AG pour voir ce qu'il s'y dit toujours sur la place de la République à Paris en direct. Métro, Grand Boulevard. Voilà, les intermittents qui sont vraiment excellents, qui sont toujours en train de négocier, de renégocier sur les conventions UNEDIC et qui ont vraiment une excellente analyse actuellement des rapports entre le patronat, le salariat et le pouvoir. Notamment dans les institutions paritaires aujourd'hui où le MEDEF décide absolument de tout. Et les salariés et non salariés de rien. Voilà, et donc on rappelle le rendez-vous effectivement au tribunal de Bobigny vendredi prochain, 27 mai, à 9h, en solidarité. 9h-18h avec les camarades qui se sont manifestés. Et qui aujourd'hui font face à la répression. Merci beaucoup. J'espère vous voir lundi, les prochaines fois, mercredi, etc. Laissez votre contact. Voilà, je suis le relou qui oublie des trucs. Donc j'ai oublié 3 trucs. 1, sur la question de qu'est-ce qu'on fait à partir du 10 juin. Il y a déjà d'autres nuits debout dans Paris, donc il y a aussi cette possibilité-là. Et 2, on pensait, différentes personnes, faire un meeting, un gros meeting ici sur la place de la République le 8 juin. Parce que le 8 juin, ça fera 100 jours d'occupation de la place de la République. Du coup, pour les 100 jours de nuit debout, ça pourrait être pas mal de faire un truc. Et comme ça, c'est avant le 10 juin. Et quoi qu'il arrive, on aura fait une grosse teuf le 8 juin. Et troisième truc. Et c'est aussi son anniversaire. Et troisième truc. Pour ceux qui veulent venir, à la commission Convergence des Luttes, on se réunit tous les mardis à 19h sur la place de la République. Les infos sont à l'accueil. Donc mardi à 19h ici. Voilà, merci. Merci beaucoup. Marion va passer une annonce. On a juste oublié un truc. Effectivement, la caisse de grève, ça va pas commencer dans une semaine, dans deux semaines. La caisse de grève, elle commence maintenant. Donc, on va faire passer un petit verre, propre si possible. Et puis, vous pourrez participer à la caisse de grève. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, hein, vous aurez 10 minutes. Mais pour l'instant, Marion va faire une annonce. Alors, bonjour, je m'appelle Marion. Je participe à la commission écologie. Alors, aujourd'hui, on avait fait la marche contre Monsanto. On a bien représenté Nuit Debout. C'était sympa. Il y avait plein de pancartes. C'était très festif. Donc, dans la continuité, on va passer le film Le Monde contre Monsanto. Le Monde selon Monsanto, pardon, donc qui parle des problèmes par rapport à l'entreprise Monsanto. Ça va passer dans une demi-heure. Là-bas, c'est la bâche bleue, c'est la commission écologie. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est dans une demi-heure. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Bon, alors, je vous propose de passer en parole libre et j'appelle Kalolo. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Et les personnes qui veulent s'asseoir aussi, comme ça permet aux personnes qui sont debout de s'asseoir. Non, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas Kalolo. De toute façon, on est censé être en parole libre. Bon, maintenant, on ouvre les paroles libres. Kalolo. Kalolo n'est pas là. Alors, Nils, et pendant ce temps-là, Théodule se prépare. Théodule se prépare. J'appelle Nils. C'est toi, Nils? Salut. Déjà? Vous voulez bien vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît? Alors, Théodule se prépare. Merci de vous rapprocher, c'est drôlement sympa. C'est vachement gentil. J'adore. Anils. Bonsoir. Il y a plusieurs choses que j'aimerais parler, mais c'est un peu difficile de savoir les priorités de l'AG d'ici à Paris. Mais je tiens à vous signaler que dans d'autres parties de la France, il y a aussi beaucoup de Nuits Debout qui se motivent et qui se montent un peu partout, et chacun a sa méthode de fonctionnement. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ici. Et apparemment, ça se passe partout dans le monde aussi. 29 pays, 300 villes, pour être exact, d'après monsieur. Tout ça pour vous dire que faut pas perdre espoir, parce que ça tourne. Il y a beaucoup de gens qui tournent. C'est pas grave s'il n'y a pas un jour plein de gens ou tout le temps. Pour l'instant... les gens, ils ont du mal à se faire confiance et à se parler. Et c'est ça qu'on apprend à faire, là, c'est à se parler les uns et les autres. Alors, moi, il y a une action que j'aimerais bien mettre en place, et j'espère qu'on va être nombreux. C'est cet été faire une grande marche au centre de la France pour essayer d'organiser un espèce de je ne sais pas comment dire, mais... de grosses réunions inter-Nuit Debout, de tous les Nuits Debout qui vont se passer dans le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire déjà. Moi, en plus, j'ai bien envie de marcher. Et je pense qu'en marchant tous ensemble, dans la nature, en fait, déjà, ça va symboliquement être très fort. Si on va tout en haut d'une montagne et qu'une fois tout en haut, on prend tous nos cartes d'électeurs et on les brûle pas parce que c'est pas écologique, on en fait une grosse statue à l'effigie de Nuit Debout avec du papier mâché pour ceux qui veulent jeter leurs cartes d'électeurs à la poubelle. Bon, moi j'en ai pas, donc je prendrai celle de ma mère, elle me l'a dit. Et alors voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas encore la date exacte, mais c'est en train de se monter, il y a une commission interne Nuit Debout qui travaille dessus. J'en fais partie. Est-ce que quelqu'un a une opposition à cette idée qu'on fasse tous ça, quoi? Pas forcément tous, mais qu'au moins beaucoup de Parisiens viennent leur présenter aussi et se réunissent dans le centre de la France pour aller marcher tous ensemble et une fois tout en haut faire une grosse statue avec nos cartes d'électeurs. Si voilà, personne ne trouve cette idée ridicule. Non ? Sincèrement. Non, d'accord, ok. Bon, tant mieux. Alors, je vais pas lancer un vote parce que moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des votes une fois par semaine ou des fois en début d'AG pour faire l'ordre du jour. Je trouve que c'est une bonne idée qui a été dite tout à l'heure. Voilà. Je peux passer la parole. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Théodule. Bah, il m'a dit qu'il était Nils. Nils. Non, c'est ça. Théodule. Théodule. Est-ce que tu es là, Théodule? Bon. Thierry. Thierry. Si tu as envie de le dire, dis-le. Quoi? Bah rien, même si tu as envie de rien dire. T'as envie de rien dire, viens le dire à la radio debout. Demain, quoi. Demain, quand tu veux. Plutôt demain. Ouais, quand tu veux, pourquoi demain quoi. Non, c'est radio debout, pas radio demain. Le blaireau, quoi. T'es un fréquent, toi. Ouais, casse-toi, casse-toi. Bon, à debout. Oui, bonsoir. Alors, de nouveau, radio debout, place de la République. Voilà, samedi soir. Je me penche pour ramasser un casque. En même temps, je vous décris la situation de mon corps dans l'espace. Voilà, je suis ravie d'accueillir Anina. Chou-chou. Ça ne doit peut-être pas se prononcer exactement comme ça. C'est très bien. Et Pierre Chopinot, qui sont avec moi, et Valérie Mito, qui est aussi face à moi. Voilà. Donc Valérie n'a pas de casque pour l'instant, donc elle n'entend pas vraiment ce qu'on se dit, mais on va trouver une solution. Donc Anina et Pierre, je vous ai invités, bon, parce que bon, je suis allée à la fête donc, de l'insurrection gitane qui a eu lieu à Saint-Denis dimanche dernier. Je vous ai rencontrés par l'intermédiaire de d'autres gens voilà, qui m'ont parlé de vous. Et j'étais, en fait, la première chose, après il y a un passé, mais la première chose là par rapport à maintenant, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait eu, je sais que vous n'allez peut-être pas en parler tout de suite, mais il y a eu, j'ai entendu dire qu'il y avait le premier syndicat autonome des bidonvilles. Et alors là, ça m'a vraiment questionnée. Et je me suis dit, je veux savoir pourquoi, depuis quand, dans quel cadre. Alors, peut-être Pierre, présente un peu, parce que vous faites partie aussi tous les deux de la Voix des Roms. Toi, Nina, tu es juriste également et tu as écrit deux livres, je rappellerai après tes livres. Et Pierre, avec d'autres personnes en 2005... avec des étudiants, des Roms, des copains, copines, tout ça. Vous avez créé cette association, La Voix des Roms. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais pas là tout à fait en 2005 à la création, mais La Voix des Roms, c'est une association qui a été créée par des étudiants Roms de plusieurs nationalités qui vivaient et travaillaient à Paris. J'ai rejoint, moi, cette association après... des retours de voyages en Europe centrale et orientale où j'avais passé du temps dans des communautés roms en fait. Et après 10 ans d'action, donc, bon, La Voix des Roms est une organisation rome autonome antiraciste qui conçoit le raciste comme un dispositif institutionnel. C'est un peu ce qui fait la spécificité de cette association antiraciste. Quoi. Et après 10 ans d'actions diverses, donc en 2016, on a décidé de créer une espèce de structure un peu différente, plus proche du terrain à la fois et plus englobante, qu'on appelle le mouvement du 16 mai. Donc c'est ça dont tu as entendu parler comme un sous-syndicat des bidonvilles. C'est un petit peu la forme concrète dans laquelle on présente ce dispositif du mouvement du 16 mai, dont la mission particulièrement, c'est de créer de la force, de donner de la force aux gens qui habitent aujourd'hui en France dans les bidonvilles et les squats, dont beaucoup sont roms, mais pas exclusivement, et qui rencontrent une situation d'extrême difficulté, exposée à une extrême violence politique, sous des formes variées qui peuvent aller de la privation de soins et des décès précoces de privation de soins, jusqu'à des violences et des abus policiers massifs et non signalés. Et donc vraiment, l'idée de syndicat, c'est vraiment l'idée originaire de mutualisation des forces et des compétences de façon autonome, sans secours extérieur, pour se donner de la force. Quoi, voilà. Et des bidonvilles, parce que ça concerne les gens qui habitent dans des bidonvilles, sans qu'il y ait nécessairement une entrée exclusivement rome, c'est-à-dire que dans la forme du dispositif, a priori, pourraient être inclus ou en bénéficier ou y participer les gens de Calais, par exemple, de Grand-Synthe. Voilà, bon, le dispositif est tel qu'on n'a pas les moyens de répondre à des demandes qui vont au-delà des gens qui nous sont le plus proches, donc les Roms qui sont en bidonville. Mais on est déjà en réseau organisé avec les militants à Calais aussi. Hein, ça concerne voilà. Combien de personnes ? Du coup, ce premier syndicat, il y a combien de entre ceux qui l'ont mis en place et ceux qui gravitent autour? Ben, en fait, bon, le syndicat, c'est vraiment, on n'a pas des syndiqués, hein, vraiment. C'est pas des gens qui syndiquent. Là, c'est des choses qu'on a mis en route depuis le mois de mars et on commence par faire des porte-à-porte dans les bidonvilles, vraiment maison baraque par baraque, pour proposer aux gens qui habitent un service d'assistance juridique et de lutte contre les discriminations qui les intéresse particulièrement en ce qui concerne les problèmes avec la police. Donc, a priori, voilà, on déploie ce qu'on appelle des maraudes, donc le porte-à-porte. Et donc en langue romanèche, hein, c'est vraiment la spécificité du dispositif, c'est en langue romanèche, roumain, bulgare, on a des multiples compétences linguistiques. Et puis c'est vraiment un dispositif rom, donc les gens sont dans un environnement familier quand ils nous reçoivent, hein, ils savent qu'ils sont en confiance. Et donc dans on déploie ces maraudes, on a encore un programme en juin, juillet, on entend rencontrer plusieurs milliers de personnes en Île-de-France. D'accord. Et puis on a aussi des organisations roms qui se créent dans d'autres villes de France, qu'on a fait venir à la fête de l'insurrection gitane, justement, où il y avait aussi ce travail de mise en réseau, de rencontre, de préparation, sur qui on compte aussi pour relayer cette initiative dans des villes comme Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice, Toulon, Strasbourg, Lyon et Lille aussi pour l'instant. Et on espère qu'à l'automne prochain, on aura des relais un peu dans toutes ces villes. Voilà. Et du coup, toi Anina, quelle est ta place par rapport à cette organisation en tant que tu as fait des études de juriste? Qu'est-ce que toi tu apportes? Quel est ton apport? Oui, alors moi je suis coordonnatrice du pôle juridique du mouvement du 16 mai. Ce qu'il faut savoir que, comme l'a dit, un peu comme l'a évoqué Pierre, en fait le mouvement du 16 mai s'articule autour de trois pôles. Donc un premier pôle qu'on peut appeler un pôle analyse, qui aurait aussi le rôle de jouer un plaidoyer politique au niveau local, national et international, puisqu'on est ici membre de réseaux d'associations européennes de lutte contre les discriminations ciblant les Roms, en fait. Et le pôle analyse aurait notamment aussi pour mission d'établir un rapport annuel avec l'objectif d'analyser philosophiquement, politiquement et aussi socialement en fait les discriminations dont sont victimes les Roms, parce qu'elles ont une particularité, elles sont spécifiques et elles sont aussi c'est-à-dire en quoi pluridisciplinaires et même intersectionnelles en fait. Et c'est ça qui est vraiment ce qui manque aujourd'hui, c'est que d'une part les discriminations et les refus d'accès aux droits et les violences dont sont victimes les Roms ne sont pas connues et ne sont pas connus dans leur intensité et dans leur niveau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y a de victimes aujourd'hui en France. Et l'un des objectifs aussi de ce rapport, c'est de quantifier cette violence et ces discriminations, et d'autre part de les comprendre. Et ça, peut-être Pierre en parlera plus tard, parce qu'il a vraiment analysé spécifiquement la question. En tout cas, c'est une discrimination intersectionnelle, et c'est vraiment cette vision-là que nous, on combat. Et d'autre part, donc ça c'était le pôle analyse, ce sera le travail du pôle analyse, qu'il fera notamment à partir du travail du pôle juridique. Le pôle juridique, ce sera un pôle de lutte contre les discriminations et pour l'accès aux droits des habitants des bidonvilles. Et les mots sont importants, notamment, Pierre a peu le temps de le préciser, on parle bien de bidonville et on refuse catégoriquement le terme de campement ou de camp qui est utilisé dans les discours politiques, médiatiques et publics en général, parce qu'il renvoie à une... C'est en fait une vision raciste, pour le dire simplement, qui est derrière ce terme, parce qu'il renvoie à une origine ethnique, à un choix ethnique et culturel du mode de vie nomade en camp, en campement. Et ayant vécu moi-même dans un bidonville, Je peux vous le dire et je peux vous assurer que ce n'est pas un choix et qu'il s'agit vraiment de l'ordre de la survie, de vivre dans ces conditions inhumaines, insalubres et misérables. Et c'est pour ça qu'on parle de bidonville, on parle d'habitants et ça aussi c'est important parce qu'on inclut évidemment, comme le disait Pierre, dans les bidonvilles, il n'y a pas que des Roms, il y a aussi des Roumains, des Bulgares, même des Français et des personnes qui sont exclues, qui sont marginalisées. Et puis tous les Roms ne vivent pas non plus en bidonville, ça aussi il faut le dire. Donc c'est aussi par choix pour distinguer aussi les notions de bidonville et de Roms, parce qu'aujourd'hui ces deux images sont fortement liées. Le pôle juridique donc, aura pour objet de lutter contre la discrimination et de défendre l'accès aux droits, c'est-à-dire qu'il se propose comme mission de donner vraiment l'accès aux moyens juridiques, à la défense juridique aux premiers concernés, à ces personnes qui sont dans une situation tellement précaire qu'elles n'ont pas accès aux moyens communs, de droits communs. Par exemple, même saisir le défenseur des droits, c'est quelque chose qui est très difficile pour elles. Et nous, on se propose en quelque sorte de faire un guichet familier du défenseur des droits, c'est-à-dire que les personnes peuvent nous contacter directement en langue romani, dans un environnement familier, de confiance, exposer les problèmes. Et nous, on sera capable d'identifier des cas dans lesquels il s'agit de discrimination, de les aider à constituer des dossiers et des preuves, parce que ça, c'est vraiment la difficulté principale. En premier lieu, on tentera de passer par une médiation juridique auprès des auteurs, parce que dans la plupart des cas, ce sont des administrations en fait, qui sont auteurs de refus de droit injustifié ou de discrimination. Et on essaie de faire des rappels à la loi parce qu'on est fortement convaincu que les refus de droit, là on parle de domiciliation par exemple, qui est un droit primaire, c'est-à-dire qu'il permet l'accès à tous les droits, par exemple le droit d'avoir une couverture médicale, le droit d'avoir de l'aide juridictionnelle, le droit d'avoir les allocations, c'est plus compliqué et c'est très conditionné. Oui. Il faut savoir que la majorité des personnes qui vivent en bidonville n'ont pas accès aux allocations, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qui est diffusé. Ils ont très peu d'aide sociale, en fait. Et même le minimum, c'est-à-dire l'accès à une couverture médicale, est de très nombreuses fois refusé et de façon injuste. Et même la scolarisation, qui est un droit fondamental pour les enfants, là aussi, c'est conditionné, alors que la loi dit qu'il n'y a aucune condition, par exemple, on conditionne à une domiciliation, alors que normalement c'est pas prévu par la loi. Et toutes ces situations qui nous sont injustifiées et ne sont pas légales, nous on essaie de lutter juridiquement contre ça et aussi de rappeler, voilà, de faire des rappels à la loi, parce que parfois c'est aussi une méconnaissance du droit. Je veux dire, dans les administrations, avec tous ces changements, et notamment avec le fait que la Roumanie et la Bulgarie sont entrées récemment dans l'Union européenne, et désormais sont comme tous les autres États membres, donc il y a eu un changement de statut que les administrations n'ont pas forcément conscience. Enfin, nous, on veut dire que voilà, on est là aussi pour faire ce travail-là, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on met les gens devant leurs responsabilités et que les administrations, et que je pense aussi évidemment à la police, sont conscients qu'il y a quelqu'un qui regarde ce qui est fait, enfin qui est là pour contrôler, en fait, une sorte de contrôle de leur action, de la légalité de leur action. Il y a évidemment un changement de comportement, et c'est ce changement de comportement parce que nous, on veut simplement que les droits fondamentaux des gens soient respectés, c'est ça notre intention, et que la situation des gens s'améliore. Dans le cas où cette médiation ne fonctionne pas, on est prêt aussi donc à utiliser toutes les voies de droit, comme la loi le permet, donc le contentieux juridique, et pour atteindre un contentieux juridique stratégique, c'est-à-dire avoir des décisions qui permettraient de faciliter les choses à l'avenir. Voilà l'objectif du pôle juridique, et ce qu'on se propose de faire, et ce sera aussi notamment de répertorier tous les cas qui permettront après de faire le travail d'analyse du pôle analyse. Et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, de familles qui viennent? Comment parce que le porte-à-porte, j'imagine, ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Il faut expliquer à chaque fois pourquoi, quelle est la fonction. Même si vous parlez couramment les langues, même si... Est-ce que pour vous aussi, il y a une méfiance, entre guillemets méfiance, je parle de... Peut-être pas de méfiance, mais de dire à quoi bon, pourquoi comment ça se passe, comment les gens réagissent, est-ce qu'ils viennent, Est-ce que pour eux c'est facile en fait? Alors en fait, bon, c'est une initiative qui démarre, donc oui. On observe un peu les comportements, comment les gens nous utilisent. Et ce qui se vérifie, c'est ce qu'on pensait, c'est que en fait, ce qui nous est signalé le plus directement, c'est des problèmes avec la police. Parce que, je dois préciser aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que si on fait ça, c'est parce qu'il y a une situation de privation de droits qui est colossale en France pour les habitants des bidonvilles, dont les gens n'ont pas idée, parce que c'est des choses dont on parle peu et qui sont peu connues en fait, hein, à part l'événement spectaculaire, mais qui peut faire que, par exemple, aujourd'hui en France, un jeune homme de 26 ans peut mourir d'une aggravation d'une difficulté au foie pour manque de soins. Voilà. Donc c'est des phénomènes d'une extrême gravité, d'une très grande violence. Quoi. Donc ce qui fait que les gens réagissent le plus sont les problèmes qu'ils rencontrent avec la police. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les plus concrets, les plus directs, et c'est les entraves les plus précises à leur quotidien qui est très éloigné du droit. C'est-à-dire que déjà, pour avoir une discrimination à la scolarisation, il faut déjà avoir un accès au droit. Et ce qui est le cas de très peu de gens finalement dans les bidonvilles. En fait, ceux même qui se font refuser l'école sont ceux qui ont pu déjà un peu avancer vers l'accès au droit. Donc les difficultés les plus immédiates qui nous ont signalées, ce à quoi les gens réagissent le plus, c'est ces difficultés avec la police, comme par exemple, récemment, un homme nous appelle, qui était dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, on n'était pas encore allé, donc c'est-à-dire que le bouche-à-oreille fonctionne, puisqu'on n'avait pas encore fait de maraude dans le 92. Quelqu'un du 92 nous appelle en nous disant qu'il avait été contrôlé par la police. Bon, il se trouve qu'il était en état d'ébriété avec son enfant, qui est un nourrisson. Donc, pour une raison d'incompréhension linguistique, etc., il ne parlait pas français, il a été arrêté, mis en garde à vue, en cellule de grisement, et son enfant placé, en confié à l'aide à l'enfance, donc au placé, sous le contrôle d'un juge. Donc lui, à aucun moment, n'avait compris la procédure dans laquelle il était prise, et on a pu le renseigner, intervenir, faire une médiation auprès des institutions, de la police, etc., pour qu'il ait un rendez-vous, et que finalement, son enfant lui soit rendu. Mais c'est ce genre de difficulté extrêmement brutale que les gens rencontrent, et c'est pourquoi ils nous signalent, parce que tout simplement la famille se retrouve privée de son nouveau chiffre, 2014. Hein. 2014, en fait, deux ans, et ça ne sert à rien mon casque. Et ça me gêne plus le casque qu'autre chose là, parce que j'ai pas de son. Alors, et ces femmes sont venues raconter un peu, sont venues raconter leur histoire, sont venues raconter l'histoire de ce collectif. Elles sont aussi venues parce qu'il y a un film qu'elles ont réalisé et qu'il y a eu une diffusion de ce film. Enfin, elles en sont encore à 20 minutes du film, mais bon, c'est déjà très clair ce qui se passe dans le film. Enfin, à partir du moment où tu vois le film, il y a plein de choses que tu comprends et que tu n'aurais même pas eu idée. Donc, et elle raconte très bien justement les conditions de vie qui sont terribles, les maladies, le foutage de gueule, excusez-moi de dire ce terme, des mairies, des autorités. C'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a entre autres profondément marqué, c'est sur les testeurs. De comment la municipalité fait croire qu'elle va mettre en place des testeurs parce qu'en fait, ce campement, c'est un campement, je peux le dire ce mot là, c'est l'aire d'accueil. Ouais, pardon, excusez-moi. Cette aire d'accueil est entourée par une usine à béton, deux usines, donc concasserie, béton et un champ, il me disait qu'il y avait plein de pesticides également, plus une autoroute. Bon, voilà, donc c'est sympa comme lieu de vie. Et donc, il y a énormément de poussière tout le temps, et ça crée beaucoup de problèmes de santé. Et donc, la municipalité, grâce quand même à leur combat, elles sont arrivées à obtenir donc des testeurs, mais qui finalement n'ont pas testé grand-chose, puisque c'était juste un tube d'un mètre cinquante rouillé. Il y en avait trois sur le terrain. Voilà, des tubes d'un mètre cinquante avec en haut une petite plaque en métal qui doit faire 10-15 centimètres, sur laquelle se repose la poussière de béton, et qui, dès qu'il pleut, cette poussière de béton s'en va. Donc voilà, pourquoi on fait ça? En fait, je veux dire, c'est le collectif des femmes d'Hélène Ronchin, voilà. Une page Facebook. Merci. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent d'aller les, soutenir, d'aller découvrir ce qu'elles font sur leur page Facebook, parce que ce qui est très passionnant et très exemplaire, c'est que c'est vraiment ces femmes de cette communauté, donc roms, françaises, gens du voyage, qui s'est organisée de façon autonome pour défendre le droit de l'ensemble de ces familles qui habitent là. C'était l'occasion de les faire connaître, connaître leur combat, et bon, allez, si vous pouvez aller voir sur leur page Facebook, le collectif des femmes d'Hélène Ronchin. Et juste pour revenir un peu sur la situation juridique justement de ces terres d'accueil, le problème là, en plus du fait que les conditions sanitaires ne sont pas du tout respectées et que donc la société qui gère l'aire d'accueil ne respecte pas du tout le contrat, puisque ces familles payent leur emplacement, elles le payent très cher, elles payent aussi l'eau, l'accès à l'eau est beaucoup plus cher que nous payons dans le droit commun, dans l'habitat de droit commun. Et en plus de cela, il y a vraiment un problème de sécurité qui se pose parce que cette aire d'accueil donc, a été placée, du fait de la décision de la commune, à 30 mètres, même pas, d'une usine donc de béton et d'une autre usine qui est venue s'installer après. Donc ils sont au milieu de tout ça et de l'autoroute. Et il paraîtrait, donc la situation... Cette information n'est pas encore sûre, elle est à vérifier, mais que cet emplacement est un emplacement Céveso, c'est-à-dire pas habitable. Et dans ce cas-là, il y a vraiment un problème juridique qui se pose, parce qu'on décide de placer là une aire d'accueil où des gens sont censés vivre dans une zone qui normalement n'est pas habitable et qui est très dangereuse pour la santé des personnes. Et là, nous, justement, le pôle juridique du mouvement du 16 mai envisage un recours juridique sur ce point. Alors, Anina, je vais donner la parole à Valérie Mito par rapport à cette question d'habitation, de lieu. Valérie Mito est réalisatrice de films. Parce que ça répond aussi à cette question première. Vous êtes en train de terminer un deuxième film. Vous avez fait un film il y a quelques années que moi j'ai vu, Caravane 55, sur une ville. Enfin, ça se passe à Acher. Et il y a. Donc, je ne sais plus comment. Ouais, voilà. Tu vas nous raconter. Parce que. Ouais. Voilà, vous avez suivi une famille. Et cette famille, vous l'avez suivie depuis cette rencontre. Vous avez continué à la suivre. Et maintenant, ça fait 12 ans que vous suivez cette famille. Elle n'est plus à Acher parce qu'à Acher, le lieu, les caravanes ont été broyées. Voilà. Et que, du coup, ils ont détruit les maisons des gens qui y vivaient. Oui, bah ça, en fait, le travail qu'on fait en ce moment avec Anna Pitoun, avec laquelle je fais ce film, évidemment, il fait écho à tout ce que vous venez de dire, puisque, en fait, nous, on a filmé cette jeune femme rome de Roumanie en 2003, avec ses deux enfants, et aujourd'hui, elle est toujours en France, elle a un travail, un appartement, elle paye des impôts, voilà, tout n'est pas rose, notamment pour les enfants. Et d'ailleurs, les deux enfants, ils ont aujourd'hui 25 et 20 ans, ils ont chacun deux enfants. Et Denisa, donc sa fille, vit à nouveau sur un terrain, dans une caravane, dans des conditions pires que celles du terrain bidonville. J'étais en train de m'interroger en t'écoutant sur pourquoi, c'est quoi la différence bidonville. Et je pense que bidonville, en fait, on l'a associé beaucoup à l'immigration, voilà, les gens qu'on venait faire travailler pour pas cher en France, dont on ne se souciait absolument pas de où ils allaient loger, et qu'on a mis donc dans ces bidonvilles, dans terre, etc. Donc je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, les endroits où vivent la plupart des Roms, c'est des bidonvilles, ni plus ni moins. Mais il y a une espèce, je pense, de nomenclature de langage qui fait qu'on a associé bidonville à l'immigration qui est venue travailler. Mais c'est stupide, je suis d'accord. Donc le bidonville que nous on appelait... comment on l'appelait ? On l'appelait un camp, effectivement. Où il vivait initialement en 2003 cette femme et ses deux enfants, en fait, celui où habite Denisa aujourd'hui, la fille qui a actuellement 20 ans, et pire, il n'y a pas d'eau, il faut faire plus d'un kilomètre pour aller au cimetière de Chanteloup avec des bidons, chercher de l'eau. Voilà, donc quand on a des enfants en bas âge, c'est un peu un enfer. L'électricité volée, raccordée à un pylône à proximité, donc les conditions sont un peu pires, quoi. Et donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a suivi donc cette femme en 2003. On a fait un film qui s'appelle Caravane 55. Et en fait, on est devenu assez proche de cette famille. On les a beaucoup soutenus juridiquement. Anna, avec laquelle je travaille, est avocate de formation. On a été là à leur côté, donc du coup on les a filmés pendant 12 années. Et étant donné que dernièrement la politique gouvernementale est quasiment pire que celle que menait Sarkozy, en tout cas a rebondi en pire en termes de nombre d'expulsions, en termes de soi-disant relogement. Voilà, donc la politique aujourd'hui, c'est de dire on ne peut pas laisser les Roms vivre dans de telles conditions. Et en même temps, il n'y a pas de solution pour les reloger. Donc on vire un terrain, on va reloger les 2-3 familles généreusement. Et les autres vont se retrouver à la rue et vont essayer de trouver un autre terrain pour recréer un nouveau bidonville un peu plus loin. Quoi. Donc j'avais une question à ce sujet par rapport à la discussion que j'ai eue avec ces deux femmes rencontrées à Saint-Denis. Elles m'ont dit qu'au mois de juillet, toutes les familles vont devoir quitter le camp. Et alors, j'ai pas très bien compris les raisons, si c'était pour le nettoyer, si c'était, je sais pas pourquoi faire exactement. Enfin, ils vont devoir tous quitter le camp. Et comme il y a des enfants, parce qu'il y a. Elle me disait que ça faisait 20 ans qu'elles étaient là, pas sur ce camp-là, 10 ans là et 10 ans sur un autre camp, et qu'il y a des enfants forcément qui sont nés, qui ont grandi, qui eux-mêmes ont des enfants aujourd'hui, et que le camp s'est peuplé davantage, et qu'il y a un nombre limité de places et d'autorisations, je ne sais pas, légales sur un terrain, et que forcément, elles ne sont plus dans les légalités, en tout cas. Et qu'il y ait une partie qui ne puisse pas, qui compte en fait, voilà, qu'il y ait un comptage. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire quelque chose, Annie. Oui, ça concerne toujours les femmes d'Elem en fait, et le terrain d'Elem Ronchin, qui a été justement créé il y a 10 ans et qui a été créé pour normalement 200 personnes, donc avec un nombre d'emplacements limité. Et effectivement, dans ces 10 années, les enfants des familles ont grandi et sont mariés et à leur tour ont eux-mêmes des enfants et donc sont venus installer leur caravane sur ce terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui le terrain est en surpopulation et effectivement il ne répond plus du coup aux conditions de vie qui deviennent intenables et il y a effectivement un risque qu'en juillet, donc que durant l'été, il y ait une destruction, en fait une expulsion des personnes qui sont en trop sur l'aire d'accueil, mais ce qui pose la question encore une fois de savoir où vont aller ces familles, parce qu'il n'y a pas d'autres aires d'accueil qui pourraient les accueillir, parce que les aires d'accueil de la région, en tout cas dont les environs sont dans les mêmes situations que celle-ci, c'est-à-dire en surpopulation, avec les conditions d'hygiène et conditions sanitaires déplorables. Et voire pire que sur ce terrain, c'est ce qu'elle me disait. Oui, voire pire, puisque effectivement, ce que font les femmes d'Elem, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles se déplacent, qu'elles vont dans les autres aires d'accueil pour parler aux familles, pour parler aux gens, et leur demander de les soutenir dans leur combat et de se défendre. Et c'est extraordinaire parce que comme nous, elles sont confrontées vraiment à beaucoup de résignation aussi, parce que les gens sont tellement habitués à subir cette violence, ce refus de droit, qu'ils pensent qu'ils n'ont plus aucun moyen de se défendre et que ça ne sert à rien. Et ça, nous aussi, on l'entend très souvent. Et elles ont le courage de montrer qu'il faut continuer à se battre. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça aussi la volonté du mouvement du 16 mai. C'est vraiment donner la force à ceux qui veulent se battre pour pouvoir le faire. Tu peux, pour rappeler, ce qu'est le 16 mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Alors, donc nous, on s'appelle le mouvement du 16 mai. C'est pour célébrer une date très peu connue, le 16 mai 1944, date à laquelle les familles des Tsigeunerlager, des familles tziganes à Auschwitz et Birkenau, se sont révoltés face aux SS qui sont venus ce jour-là les emmener dans les chambres à gaz. En fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très peu connu, c'est qu'il y avait un réseau de résistance interne à Auschwitz, dans les camps, et que grâce à ce réseau, les familles avaient été mises au courant du plan horrible du massacre qui était prévu. Et c'est grâce à ça qu'une fois qu'elles ont été mises au courant, ont décidé de résister et ont décidé de se battre. Et le jour où les SS sont venus les chercher, ils sont sortis avec leurs outils de travail et ont dit qu'ils se battraient jusqu'à la mort, mais qu'ils ne le suivraient pas. Et face à cette révolte, les SS ont été tellement surpris parce que dans les camps, évidemment, c'était la même chose, c'était la résignation, personne ne résistait, personne n'avait plus le courage de le faire, en tout cas, et face à cette révolte et à cette résistance, en tout cas ce soulèvement, les SS ont reculé le jour même. Évidemment, par la suite, ils ont pris la décision de séparer les hommes et les femmes, de les séparer, et une grande partie d'entre eux sont morts le 2 août. Mais c'est cet acte de résistance que nous voulons mettre en avant aujourd'hui parce que on présente très souvent les Roms sous la phase de victimes, toujours soit des victimes, soit au contraire des délinquants, mais c'est toujours les deux faces qu'on leur donne, et nous on veut lutter contre ça parce que c'est pas la réalité, en tout cas le statut de victime nous convient pas, et nous on veut vraiment renforcer ce mouvement de résistance aujourd'hui, parce que même si les Roms aujourd'hui ne sont pas dans les camps de concentration, ils sont toujours dans des camps justement, et les mots de camp sont très importants et résonnent beaucoup quand on parle de camp aujourd'hui. Ils sont quand même victimes d'une grande oppression, tout simplement, et de très grandes violences, qu'elles soient physiques mais aussi morales. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est parce que là, à la radio, c'est beaucoup plus difficile, mais l'image qui symbolise le mouvement du 16 mai, c'est une femme, c'est une Romni qui lève le poing. Et c'est très important pour nous, cette image de femme, parce que nous, on veut mettre en avant, justement, le combat des femmes romnières, pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, notamment, c'est qu'aujourd'hui, le féminisme, en tout cas le mouvement féministe, utilise parfois justement la situation des femmes qui est effectivement très dure et qui sont les premières victimes du racisme contre les Roms en général, pour accentuer encore ce racisme envers la communauté Rom en disant très violemment que regardez, cette communauté n'est pas civilisée parce qu'elle maltraite ces femmes. Elle oublie, ce mouvement en tout cas, oublie que cette violence qui est faite envers les femmes n'est que la conséquence du racisme qui est fait à la communauté dans son ensemble. Et ça, c'est très peu compris, c'est très peu mis en avant. Et c'est une réalité parce que, vous savez, quand on est un homme, voilà, je prends l'exemple, et je pense à des gens que je connais très bien, hein, ça peut être aussi mon père, mon cousin ou mon frère, parce que ces situations, je les ai vécues, et comme je le raconte aussi dans mon livre. Je veux dire, quand on est un homme et qu'on n'a pas de travail, parce qu'on nous refuse le travail, et qu'on est humilié parce qu'on est contrôlé en permanence par la police, et qu'on se fait virer de son bidonville, et que le soir, on rentre et qu'on n'a aucun moyen d'assurer un avenir à ses enfants. Tout simplement, on est humilié, et on est humilié aussi dans son orgueil, tout simplement, et la seule façon de vouloir regagner une dignité, c'est... En tout cas, l'une des façons, et évidemment, c'est pas la meilleure, mais l'une des façons faciles de vouloir le faire, c'est de chercher à humilier quelqu'un qui est plus faible que nous. Celui qui est plus faible que nous dans les communautés roms, ce sont évidemment les femmes. C'est pour ça qu'elles subissent de plein fouet cette double violence qui est très peu comprise. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu mettre en avant, parce qu'on le sait pertinemment qu'à partir du moment où les femmes se soulèveront, et en tout cas avec leurs hommes, pour pouvoir changer donneront donc cette aide et cette main aux hommes pour changer la situation dans l'ensemble de la communauté, c'est seulement à ce moment-là que le changement réel de la communauté, de son ensemble, mais aussi de la société, parce que le changement ne peut venir que des marges, et aujourd'hui on peut le voir, l'une des marges c'est effectivement les Roms. Et c'est pour ça que le symbole de la femme et de la Romni est extrêmement important pour nous. Alors, toi Nina, tu as écrit deux livres. Voilà, comme tu parlais du livre que tu as écrit, le premier livre c'est Je suis Tzigane et je le reste, aux éditions City. Et après, il y a un collectif dont Pierre, tu fais partie aussi, vous êtes cinq auteurs, c'est les éditions Aldante qui ont édité ce bouquin qui s'appelle Avava au Vava, c'est ça ? Et Avava au Vava, oui, ils vont bientôt faire de la musique à côté, donc on va bientôt les écouter. Avava au Vava, qu'est-ce que ça veut dire Avava au Vava ? Avava au Vava, c'est en langue romanèse, ça veut dire je viens, je deviens, ou plus exactement, venant, nous serons. Ah, ça c'est beau ça, venant, nous serons. Valérie, est-ce que tu veux dire un tout petit mot avant de la musique part? Je veux dire que oui, nous, le film qu'on est en train de terminer, 8 Avenue Lénine, c'est voilà, y a un personnage central qui est Sal Kutsa, donc qui elle s'est battue, a décidé que la France était le salut pour ses enfants, l'école, etc. Et donc c'est une figure féminine vraiment très très forte. Alors après, bon, entraîner d'autres femmes dans son sillage, c'est encore une autre question, quoi, parce qu'il y a. Je suis allée faire un voyage en Roumanie cet été pour le film et j'ai pu constater quand même le niveau de sexisme qui est quand même assez violent. Mais voilà, mais je suis bien d'accord qu'on a besoin de femmes fortes pour faire bouger les choses. Et là, on l'a. Alors voilà, et après il y a une page Facebook, juste dit, et on passe à la musique. Voilà, page Facebook du mouvement du 16 mai. Voilà. Voilà, où il y a énormément d'informations dessus. Et Valérie Mitot aussi sur 8 Avenue Lénine, il y a une page Facebook qui retranscrit aussi plein de choses tout autour de ce travail. Qui compile aussi toute l'actualité sur les Roms. Sur un an et demi, toute l'actualité sur les Roms en France et en Europe. Et tout à l'heure, un peu plus tard, on accueillera donc des musiciens qui, qui font du hip-hop dans le métro et qui vont venir nous faire un morceau. Voilà. Maintenant, on va être en lien avec TV Debout pour un petit concert de musique avec des enfants, des plus jeunes, des moins jeunes, un synthé, un jeune homme qui tout à l'heure faisait du rap. Je pense qu'il a dû bien répéter. Là, ils sont en train de se préparer. Merci Pierre, merci Anina infiniment. Voilà, il faudra continuer. Mais grave, il y a un mec qui m'a écrit ça, mais voilà. De demi-dieu de l'écriture, un type, je pense qu'il a fait calligraphie. Merci, c'est à vous. C'est calisme, mais au-dessus encore. Alors, tu peux me dire vite fait, parce qu'avec les couplets, on ne s'arrête pas, il y a des pauses, mais pas vraiment. En fait, c'est des. Comme ça va. Est-ce que si tu veux, Pierre, tu peux reculer l'ampli et passer devant. C'est la même phrase en fait. Quand tu vois le stage, il y a juste leader la ligne sur le deuxième. Oui, il y a un faux stage. Ça va, mon Sam ? Tranquille. 25 minutes, 30 minutes. Comme les conférences que l'éducation populaire fait pas mal. Et donc, du coup, je voulais rebondir après cette annonce sur. On est avec l'AG un petit peu. On va être avec l'AG parce que les musiciens n'étaient pas complètement prêts à côté. Donc, on écoute un peu l'AG en attendant. Et puis après, dès qu'ils sont prêts, on va les écouter, voilà, tout de suite. J'étais un peu intervenu au cours du débat sur le processus de vote et sur le fait de comment prendre des décisions avec Nuit Debout. Je trouve ça vraiment, à mon avis, un grand piège de croire que... Enfin, je ne sais pas si c'est de croire, mais d'essayer de tenter de créer une force politique avec Nuit Debout, alors que les Nuits Debout, elles sont hyper diffuses dans la France, et tant mieux. Les Nuits Debout, elles ne rassemblent pas tout le monde à République. Je veux dire, elles n'ont pas la même tête quand elles sont à République ou quand elles sont ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, etc. Donc pour moi, Nuit Debout, il a une beaucoup plus grande force de frappe si ça devient une plateforme de lutte et que les gens viennent pour rencontrer les gens. Personnellement, ce que je tire de 2 mois de lutte, c'est que sur place de République, j'ai rencontré un nombre impressionnant de personnes avec qui j'aurais jamais parlé sinon. Et c'est des gens qui m'ont redirigé vers des organes de lutte qui existaient déjà. Donc à mon avis, je pense qu'il... C'est ma proposition, c'est qu'on tente plus vers un mouvement où Nuit Debout, les Nuits Debout, après faut les autres quartiers, les autres villes décideront, mais République, pour notre quartier là, ça devienne une plateforme de lutte. Qu'on discute entre nous sur voilà, il y a telle association qui défend le droit au logement, il y a telle association qui défend ça, il y a tel collectif de copains qui fait ça, etc. Et je pense qu'une plateforme de lutte, ça peut être bien plus efficace, et même dans le temps, c'est-à-dire qu'on s'en fout, c'est-à-dire qu'on aura à rendre compte de personne, parce qu'il y aura des politiciens ça a déjà été le cas, j'avais lu, ça a déjà été le cas, des politiciens qui ont demandé à Nuit Debout de se positionner sur les violences en manif. Ben non, enfin on s'en fout, Nuit Debout n'a pas à se positionner, parce que Nuit Debout, c'est plein de gens qui pensent différemment, et qu'il y en a qui pensent qu'il faut de la violence pour changer de système, il y en a qui pensent qu'il n'en faut pas. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être solidaire avec tous ceux qui luttent pour changer de système. Donc vraiment, à mon avis, Nuit Debout doit être une plateforme de lutte où on discute et on se politise pour après qu'on ait des outils pour se battre dans nos quotidiens qui sont tous différents. Mais à mon avis, c'est un vrai piège que de croire qu'on va avoir une assemblée qui va pouvoir poser des décisions. Enfin, à mon sens, c'est un piège, quoi. Les gens, ils sont tous différents. Enfin, c'est pas les mêmes gens qui viennent chaque soir. Ça peut pas être un soir qui décide, et puis ça peut pas non plus être les gens qui viennent tout le temps qui décident. Parce qu'il y a plein de travailleurs qui peuvent pas venir tout le temps. Donc, à mon avis, il faut pas tomber dans ce piège de prise de décision. TAFTA, conférence sur le TAFTA demain à 15h. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Nabi. Et après Nabi, ce sera Sébastien. J'espère qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits parce qu'après, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Nabi. Nabi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi de la commission plateforme, programmes et perspectives. Alors moi, je voulais juste faire un point d'information. C'est qu'en réalité, demain, nous faisons une réunion d'organisation. Avancez encore, ça sera mieux. Mais vas-y, bon. C'est que demain, nous faisons une réunion d'organisation sur la place de la République. Et cependant, nous invitons tout le monde à venir discuter de nos programmes et de ce que nous faisons actuellement. Et donc, c'était un peu tout ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Merci. Ah voilà, c'est écrit Sébastien. Non, parce que c'est une femme. Ah, Anima Wax. Une jeune femme. C'est bien une cantine, quand même. Nous sommes nés. Bonsoir. Je trouve qu'en ce moment, on est en train de nous déconcentrer énormément. On va à droite, à gauche, partout. Et on devrait se concentrer tous sur le taffetas. Tous contre le taffetas. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est notre priorité. L'industrie alimentaire, c'est l'ennemi de tous. De tous les êtres vivants. Les plantes, les animaux, les humains. Donc, on est contre le taffetas. Et on se concentre là-dessus. On se concentre parce qu'ils sont en train de détourner notre attention sur d'autres choses. Et c'est ça qu'ils sont en train de passer. Leur putain d'économie de merde avec leur industrie alimentaire. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ce pognon-là qui est énorme. Donc ne vous déconcentrez pas, je vous en supplie. Contre le TAFTA, contre le GM, contre cette économie de merde qui est l'industrie alimentaire. Merci beaucoup, vraiment. Sébastien. Ils empoisonnent tous ces gens-là. Tout. Oui. Sébastien. Merci. On m'entend derrière? Ouais. Bon, ça va être dur de passer après ça. C'est ma première fois ici. Je vous demande d'être indulgent. Là, tu m'entends ou pas? Ok, cool. C'est ma première fois ici. Je viens de Lille. Alors déjà, je veux juste commencer par ça. Je trouve ça très dommage. Il n'y a pas de truc comme ça à Lille. C'est vraiment dommage. Donc, s'il y a des Lillois dans la salle, hein, faut qu'on se mobilise. Parce que franchement, c'est chiant. Je suis obligé de venir à Paris pour parler de ce que j'ai envie. Voilà. Merci. Donc, moi, je veux juste parler d'un truc très, très court. Je peux vous parler de la liberté d'expression. C'est un peu à voir avec ce que je fais là. Ouais, j'avance là. Ouais. Je veux parler des médias français qui sont putain dirigés par les politiques de merde. On a bien vu là récemment Bolloré, copain avec Sarkozy et tout. Et... faut pas croire, on parle souvent des réseaux sociaux et tout, mais c'est vous qui utilisez les réseaux sociaux, mais la vieille grand-mère dans la Picardie, elle regarde TF1, elle regarde Pernod. Et Pernod, il a pas parlé une seule fois de Nuit Debout. Ça, c'est pas normal, non? Ouais. Donc, il y a un putain de truc à changer, même au niveau de l'investigation. Là, il y a eu les Panama Papers, France 2 et tout, c'est bien. Mais putain, les mecs sont pas libres. Les mecs peuvent pas parler, on ne sait pas les bonnes informations, il y a de la désinformation. Même au niveau des politiques, leurs petits jeux et tout, parce que en soi, bon, ils s'en battent les couilles de nous. Je m'excuse d'être vulgaire, mais bon, ils s'en battent les couilles de nous. Et il n'y a pas de médias qui parlent de ça. Il n'y a pas de médias qui parlent de leur manipulation. Il y a un peu le petit journal, mais ça va s'arrêter. C'est pas TF1 ou France 2 qui va parler de Hollande, qui va voir la campagne alors qu'il n'en a rien à branler. C'est ça. Et je veux juste finir un petit truc. Voilà, au niveau de la liberté d'expression, je suis supporter parisien du Paris Saint-Germain. Et il y a des groupes de supporters du Paris Saint-Germain qui sont interdits de stade depuis des années. Et à chaque fois, ils sont interdits de dire exactement ce qu'ils veulent, de critiquer le Qatar. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que fait le Qatar et tout, c'est un autre problème. Mais voilà, aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a encore un peu sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne représentent pas grand-chose pour face à toute la France, ça représente une minorité, ça représente surtout les jeunes. Donc voilà, je veux pousser un gros coup de gueule contre les médias qui nous font vraiment chier sur la désinformation. Merci. Merci beaucoup. Il y a une réponse directe de Johan. Ça va être très court. Et après, ce sera Alexis. Hein Alexis, Alexis, es-tu là ? Et après Alexis, ce sera Justin. Bon, allez, fais ta réponse. Ah, petite réponse très brève. Il parlait du PSG, je suis interdit de stade depuis 5 ans. Alors que j'ai jamais foutu le bordel dans le parc, hein, je préfère le dire. Les Qataris nous ont envahis. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer tous pour récupérer nos places au parc. Ce soir, je devrais être au Stade de France à faire la fête avec mes potes. On m'a dit non, vous rentrez pas. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, nous, on sait où ils sont, la police. Ils sont tous en train de se dorer la pilule là-bas. Hein. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis interdit de stade à partir de l'année prochaine. Normalement, je retourne au stade. Mais j'aurais préféré être au Stade de France plutôt que de répondre à sa phrase. Le Parc des Princes est interdit aux personnes qui ont tué des gens, qui ont frappé des gens. Nous, on n'a jamais fait tout ça. Et le Qatar veut juste dire, on veut un club de riches, c'est tout, fin de l'histoire. Ah ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Alexis ? Alexis. Après Alexis, c'est Justin. Bonsoir à tous. Je vais vous lire un poème de Rimbaud, mais je ne vais pas vous le lire en fait. On va le vivre. Voilà. Vous allez essayer de comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'il ne veut pas dire, parce qu'en fait, il ne veut pas dire. Il veut juste vivre quand il écrit. Voilà. Donc je vous propose peut-être de rebaptiser La Nuit Debout en Aube Debout, puisque c'est le titre de Rimbaud, ou au moins maintenant, de rebaptiser ce petit moment-là que je vais passer avec vous. J'ai pas longtemps, 3 minutes. Voilà, Aube Debout peut-être, là, serait mon titre, mon intervention. Bon. Alors, Aube de Rimbaud. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au va-faire-sale blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles dans l'allée en agitant oui, les bras. Alors voilà, on va profiter du groupe Actu qui passe à côté chez les copains de TV Debout pour également vous en faire profiter. Voilà. Eh bien, ok, ouais. Si on est prêt. Voilà, en direct. All right, on est en attente, chers auditeurs de Radio Debout, on est en attente de TV Debout. Eh-ha. Ok, ça arrive dans une seconde. Peut-être deux, et c'est parti. Nous sommes le 82 mars, et ouais. Oh yeah! Salut à tous! En effet, aujourd'hui, c'était Chanson Debout qui, en ce 81 mars, s'était réunie sur la place de la République. Pour la troisième fois, nous avons écrit une chanson en cohérence avec le thème du week-end. Aujourd'hui, on a envie de parler des quartiers. On vous a donc pondu cette chanson qui s'appelle Les ghettos du Gotha. Vous êtes prêts, les Chansons Debout? Alright! 1, 2, 1, 2, 3, hey! Du ghetto ou du Gotha, on se divise, on s'étripe. On tête au sein des médias tous les stéréotypes. Sur les bourges et les caïras, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. Là-haut dans la France du Gotha, planète des bandits en col blanc. Les patrons usent des salariés pour nettoyer leur limousine. Car les mains de sécurité, on garde un œil sur vos vitrines. Ok, du ghetto ou du Gotha, on se divise, on s'étripe. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les bourges et les caïras, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. Là-bas dans la France des ghettos, videur la nuit, chauffeur le jour. La violence est comme pour sa pauvre, son ami face en amour. Quartier rouge, plus rien ne bouge, plus rien ne bouge. Du ghetto ou du Gotha, on se divise, on s'étripe. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les bourges et les caïras, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. utopiste déconnecté, solidaire de tous les quartiers. Toujours mieux qu'être corrompu, ce que l'on veut c'est partager, réinvestir l'espace public qui nous a été arraché. Du ghetto, du quota, on se divise, on s'étripe, on tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Les petites courges et les kairas, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier couplet? Alright. On voudrait dépasser nos peurs sans être moralisateur. Nous n'avons pas vocation à refaire ton éducation, mais la porte c'est dans ta tête. C'est d'abord là qu'il faut que ça. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. Du ghetto ou du gotha, on se divise, on s'étripe, on tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les bourges et les kairas, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être du ghetto ou du gotha. On se divise, on s'étripe, on tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les bourges et les kairas, les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défilent. Sauf que toute façon, on n'en veut pas. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Travailler, plutôt crever. Radio Debout. Alors, on va passer une petite pub façon Radio Debout. On envoie la pub. Hein. Tendinite du poignet et de l'épaule pour cause de signes bizarroïdes répétitifs, douleurs fessières, dorsales, infections pulmonaires et urinaires, constipation, mal de crâne, votre corps se désolidarise du mouvement. C'est pourquoi Fluctuat Neck Mergitour Robotics a créé pour vous Robobo, Robobo, le premier robot qui se rend à votre place sur les lieux où que c'est que ça se passe. Imposant avec ses 130 kg, maîtrisant parfaitement la gestuelle locale et les codes de prise de parole, doté de haut-parleurs stéréo de 600 watts, relié à une base de données morpho-encyclopédique de 16 stéréo-octets extensibles, Robobo est capable de prendre la parole à propos de tout et n'importe quoi. Robobo. Robobo est livré avec les packs social-libéral, social-libertaire, social-traître, antisocial, écologiste décroissant, républicain des pains au chocolat et Black Bloc. Mais vous pouvez télécharger de nombreux autres profils lors de l'installation. Robobo. Dans tous les cas, le minuteur intelligent intégré vous permettra de paramétrer à distance un discours logique avec un début, un milieu et une fin parfaitement argumentés sur une durée de 1 minute et 59 secondes. Et bien sûr, le mode action vous permettra de vandaliser des vitrines selon des filtres thématiques avec un taux de bruit supérieur à 90% sans aucun risque de vous blesser ni de vous faire interpeller. Robobo. Fini les coupures, les douleurs, les virus et les longues séances à poireauter le cul trempé sur l'asphalte. Militez confortablement depuis chez vous. Commandez dès maintenant votre Robobo en appelant le 08 36 12 12 12. À partir de 99€ par mois, voire offre et conditions sur robobo.com. Vous êtes bien sur Radio Debout, on est toujours place de la République après cette pause musicale et ces quelques réclames. Je suis avec Eric à côté de moi, à ma gauche, et à ma droite il y a aussi Samuel. Samuel qui est à l'Éduc Pop et qui est passé tout à l'heure nous voir en disant bah, j'aimerais bien faire quelque chose pour Radio Debout, est-ce que je peux aider en quelque sorte. Je dis bah voilà, je m'entoie à moi pour poser quelques questions ce soir à Eric. Eric, moi j'avais envie que tu viennes ce soir parce qu'un jour j'ai reçu un mail de toi, on se connaît, oui. Dans lequel tu disais voilà, j'ai hébergé un Afghan chez moi, si par quelques miracles vous aviez un boulot à lui proposer, ça pourrait l'aider. Donc ça, moi j'ai vu ce truc-là, j'ai dit waouh, il a fait le pas, qu'est-ce qui a déclenché cette envie-là? Il n'y a pas besoin d'être Superman hein, pour héberger un réfugié aujourd'hui. Non, mais d'accord. En fait, j'ai eu un, On a eu, parce que je vis en Corée, ouais, donc avec ta voilà, on a eu un déclic à un moment. À un moment où on s'est dit que l'attitude de nos gouvernements était absolument indigne par rapport à cette question, qui est une question non seulement humaine, mais historique aussi, extrêmement importante, quoi, ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et que donc, c'était pour nous une façon de nous opposer, de résister, et puis de faire la part du colibri, quoi, c'est-à-dire d'essayer de... Voilà, de venir en aide, ne serait-ce qu'à une personne, puisque donc effectivement, on a hébergé donc un réfugié afghan chez nous pendant quelques mois. Et pour ce faire, ça a été très simple. En fait, on s'est adressé en fait à une association, comme il en existe plusieurs, qui s'appelle Singa, qui est très facile à trouver sur Internet. En fait, c'est même pire que ça. J'ai même pris mon ordinateur et j'ai tapé « Accueil des réfugiés ». Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Donc, voilà, la démarche était très basique. Et là, je suis tombé presque par hasard en fait, sur le site de Singa, dont la spécificité est de s'occuper de l'intégration, du logement, etc., de réfugiés qui sont déjà statutaires, qui ont déjà obtenu le statut de demandeur d'asile. Les bienheureux élus qui l'ont déjà obtenu, parce que j'avoue que je suis très inquiet pour eux, ceux qui attendent encore. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Encore beaucoup plus que ça a pu l'être par le passé. Bref. Et donc, ça fonctionne comme ça. Il y a des gens donc, qui proposent un hébergement, une possibilité d'hébergement, qui s'inscrivent à cette association. De fait, très peu de temps après, puisque c'était un peu une situation d'urgence, Singa nous a rappelé en nous disant ben voilà, on a quelqu'un pour vous. Voilà. Et on a rencontré Faze, qui est un jeune Afghan de 28 ans. Ce qui n'a pas empêché de devoir malheureusement laisser au pays une femme et déjà deux enfants. Donc, pour toutes sortes de raisons, dont on pourra parler aussi peut-être. Bref, on a rencontré Faze, on ne sait plus, tout de suite. Et donc Faze est venu s'installer chez nous, où il a passé plusieurs mois. Alors pourquoi plusieurs ? Actuellement, il n'est plus là. Il est déjà reparti dans un autre hébergement, chez d'autres personnes qui, comme nous, exactement comme nous, s'étaient inscrites à l'association. Pourquoi ? Parce que par définition, c'est des périodes d'hébergement qui sont annoncées comme étant limitées dans le temps. Parce que ça c'est au choix de chacun. On peut se proposer pour héberger même une semaine. Enfin, une semaine, ça paraît un peu court. Voilà. Justement, est-ce que déjà vous aviez prévu un hébergement aussi long ? Enfin, 6 mois, c'est quand même... Au début, on avait parlé de 3 mois. On avait parlé de 3 mois, et puis de façon presque tacite et très simple, en fait... Ça s'est prolongé parce que la cohabitation se passait vraiment très bien et qu'on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer Faze et on a lié une véritable relation d'amitié avec lui en fait. De fait, même aujourd'hui où il ne vit plus chez nous, on continue à le voir. Ouais. Après, c'est des hébergements qui sont limités dans le temps parce que, comme je le disais en introduction, ah oui, là il y a du bruit. Les voisins font le bruit. Un petit bruit technique. Voilà, ça y est, c'est bon. Oui. Parce que je sais plus ce que je disais. La cohabitation s'est bien passée avec nous, donc on a bien gardé plus longtemps. Oui, non, je parlais de l'hébergement qui est proposé comme limité dans le temps. Oui, exactement. Parce que il faut quand même savoir, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de la chose, c'est que c'est pas juste mettre à disposition une pièce pour quelqu'un et puis faire comme si de rien n'était. Ça suppose, et ça on l'a expérimenté jour après jour, en fait, ça suppose une disponibilité, une présence, une capacité aussi à intervenir dans diverses démarches ou diverses choses à accomplir. Une aide linguistique, évidemment, puisque Faze parlait, il était déjà depuis plusieurs mois en France. Et donc il parle un petit peu français, mais bon, passe ensemble. Encore, timidement, quoi. Donc voilà, il y a plein de domaines comme ça qui peuvent être très pratiques, très bêtes, mais pour lesquels l'aide d'un autochtone peut s'avérer précieuse. Donc en fait, oui, c'est un investissement de temps, de disponibilité. C'est quelque chose qui est demandé là, par l'association à laquelle vous avez fait appel, ou c'est vous demandé, qui avez c'est expérimenté, voilà. Oui, oui. Mais il n'y a pas des consignes. Est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce qu'il y a des... Non, enfin si, il y a une espèce de charte. C'est pas vraiment des consignes, c'est pas, au sens où vous devrez faire ci, faire ça, faire oui, ça. Oui, ou des critères. Enfin... Si, d'ailleurs, en fait, si, il y a même ça. Il y a même, mais bon, ça, c'est des consignes qui sont, enfin, c'est un peu absurde. Consignes, ah oui, d'accord, pardon. Oui. Près du micro. Très très près. Oui. Très très près. Oui, la consigne donnée au moins d'un repas hebdomadaire partagé, mais ça, bien évidemment. Hebdomadaire. Oui. Ah bah oui, quand même. Bah oui, non mais ça, c'est voilà. Ça semble une évidence, pardon. Voilà. Ça semble un peu une évidence. Donc, on partageait beaucoup plus d'un repas, bien sûr. Ouais. Et si, il y a une consigne qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre plus psychologique, on va dire. C'est d'assaillir de questions. Les gens qui ont quitté des pays comme l'Afghanistan en état de guerre ou de crise politique intense. Parce que il faut bien savoir que voilà, on ne quitte pas son pays pour le plaisir. Faiz, par la suite, nous a raconté de lui-même pourquoi il était parti. Je n'ai pas besoin d'en donner le détail, mais on imagine bien. Et voilà, mais ça c'est une des consignes qui est donnée par Singa. De pas, comme peuvent le faire un peu maladroitement certaines personnes qui peuvent être par ailleurs très bien intentionnées. Oui, bien sûr. Mais et alors pourquoi t'es parti, machin, etc. Et comment ça s'est passé? Tout ça, c'est fait. En fait, lui-même, petit à petit, au fur et à mesure que la relation s'établissait, nous l'a raconté. Et parfois même, c'est ça qui est étonnant aussi, sur ce qu'il a subi en Afghanistan, non, il n'était pas très... il faisait pas beaucoup d'humour. Mais par contre, sur certaines péripéties de son voyage, ce fameux voyage dont on parle depuis des mois, la fameuse route Iran-Turquie... Grèce, Bulgarie, Serbie, etc. Il nous a raconté des anecdotes qu'il faisait rire lui-même et qui nous ont fait beaucoup rire aussi. Donc voilà, et c'est ça aussi qui est vachement intéressant dans le fait d'accueillir un réfugié, parce que tout d'un coup ça fait s'incarner une réalité dont on a une vision en général très globale, très journalistique, quoi, très schématique et complètement désincarnée en fait. Et forcément, comme c'est une tragédie, de toute façon, l'exil est une tragédie, tout ça, donc on s'imagine des choses, des tableaux un peu, presque j'allais dire, misérabilistes. Alors que ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'humain, même dans la tragédie, il y a la ressource de l'humour, il y a la résilience, il y a le... Voilà, et voilà, quelqu'un qui a, pendant des mois et des mois, traversé la moitié de l'Asie et toute l'Europe pour finalement arriver dans un pays où il ne connaît personne, dans des conditions épouvantables. Rencontrer quelqu'un qui a fait ça, ça permet aussi de mesurer cette part-là de l'être humain, quoi, de nous remettre en contact avec ça. Ouais. Et comme tu dis bien, j'imagine qu'il faut... c'est ça l'avantage de vivre au quotidien avec quelqu'un pendant plusieurs semaines. C'est pas du tout pareil que si tu lisais son récit comme ça. Exactement. Sur deux pages, factuel. Alors que là, ça vous a appris aussi, j'imagine, ça vous a... cette part de résilience et d'humanité, et on peut pas en fait la résumer. Oui. Il faut la vivre, exactement. L'expérience, d'après ce que tu as l'air exactement. De dire. Exactement, c'est pour ça que, voilà, même si le fait d'avoir hébergé un réfugié pendant 5 mois, ça n'a rien d'héroïque ni de particulièrement spectaculaire, c'est une expérience qu'il faut vivre justement pour. Qui peut. On ne peut pas se contenter d'en entendre parler. Au-delà de ce que tu viens de nous dire déjà sur ce que tu as vécu avec lui, qu'est-ce qui émane, qu'est-ce qui reste de ça? Je sais que vous voyez encore, donc ce n'est pas terminé. Oui. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce que tu pourrais sortir là de de plus positif, peut-être pour inciter aussi les gens à avoir cette même démarche. Ah bah déjà d'un point de vue purement factuel, en fait, il se trouve qu'au bout de quelques semaines, donc, tu as reçu ce fameux mail que j'envoyais non pas pour publier le fait que j'hébergeais un réfugié, mais pour faire marcher le réseau afin qu'il trouve un travail. Et bien m'en a pris, puisque effectivement, un mois plus tard, un copain m'a appelé, un copain qui est expert comptable et qui parmi ses clients avait un restaurant dans lequel FaZe travaille aujourd'hui. Donc voilà, le fait de se dire que c'est parce qu'il est passé chez nous qu'il a trouvé ce moyen d'existence et d'intégration qui est quand même important, quoi. Ça, c'est une gratification sans borne, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est pour lui. Après, pardon. Non, on voit bien que ce moment, en fait, ça comble une transition très importante au moment où il a déjà obtenu des papiers et le droit d'asile. Oui. Mais tout reste encore à gagner, tout reste encore à faire. Oui, oui. Et donc, il y a une phase de socialisation et aussi même la linguistique, hein, oui. Et puis trouver un travail et être dans un environnement rassurant, confortable, voilà. Enfin, en tout cas plus confortable que dans un hôtel ou dans un foyer. Et donc c'est combler ce passage en fait qui a été crucial pour lui et qui lui a permis maintenant de démarrer une nouvelle vie, quoi. Voilà. Et le fait de le fait d'avoir contribué à ça, même indirectement, même voilà, c'est extrêmement gratifiant, ça. Alors, c'est un petit peu dur de continuer comme ça. Soit on part à l'AG tout de suite et on se fait une petite conclusion juste derrière en 3 minutes. On va faire ça. On part à l'AG et on conclut juste derrière. Merci. Radio Debout. Voilà, c'est Avenue Bosquet, il est 18h. Radio Debout. Et c'est la manifestation pour la séparation du MEDEF et de l'État. Avec la casserolade, les casseroles, les moyens domestiques, faire le plus de bruit possible pour se faire entendre. Beaucoup utilisé en Amérique latine pendant les manifs. Et là, ça y est, c'est l'AG spéciale du jour, une assemblée générale particulière qui va prendre aujourd'hui forme sous le nom de séparation du MEDEF et de l'État. C'est Nuit Debout qui se délocalise devant le MEDEF, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. Il y a le camion de la Seno qui s'est mis en travers du côté de la place de l'école militaire. Le camion qui porte vraiment le rideau rouge assemblé de séparation du MEDEF et de l'État. La Seno. Il y a quelques petits barnums qui se montent ici. Bon, ben voilà, il y a une petite AG debout qui se monte ici devant le MEDEF pour revendiquer donc la séparation du MEDEF et de l'État. En ce 20 mai 2016, 81 mars, selon le nouveau calendrier, nuit boutiste. On va mettre une musique adoucissante. Alors Nicolas, ça se présente comment cette assemblée? Ça se présente bien, l'important c'est le résultat, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à séparer le MEDEF et l'État. Donc l'idée c'est que on arrive enfin à délégitimer, à faire comprendre à tout le monde que ces gens n'ont rien à foutre, à co-gérer la sécurité sociale. Les caisses de retraite, le chômage, voilà. Et donc aujourd'hui, on va avoir une série de témoignages des communautés affectées par le patronat. Alors on a sélectionné une dizaine, mais il y en avait des centaines, parce que où qu'on se tourne, voilà. Donc voilà, ça se présente bien. On a une chance incroyable, c'est qu'il fait beau, donc c'est génial. Et puis on est bien, le quartier est sympa. Il y a des boulangeries, il y a du blanc dans le camion, il y a tout ce qu'il faut. Et l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi travail, c'est quand même aussi la goutte qui fait déborder le vase, non? Cette collision entre le MEDEF et l'État. Ouais, c'est. Il y a eu une pantomime, hein, on va pas se raconter de salade, le MEDEF qui pleure en disant « Ah, la loi, elle est trop molle, la droite qui pleure en disant « Oh la loi, elle est trop molle », etc., etc. Puis à la fin, moi, je vois que l'essentiel, c'est que les principaux problèmes, la hiérarchie des normes est renversée, on peut licencier les gens sans problème, les problèmes économiques des entreprises ne sont pas pris dans leur globalité par rapport à des multinationales. Donc l'essentiel des mesures délétères de la loi sont là. Donc 49-3 ou pas, évidemment, c'était un peu le scénario couru et tout. On nous a raconté une histoire, c'est tout. Moi, je vois que le 49-3, c'était vraiment l'aboutissement d'un scénario qui était tout plié, etc. Et avec la cerise sur le gâteau, c'est Hollande qui dit il n'y a pas d'alternative. Tina, c'est moi. Donc voilà. Donc voilà, le cinoche, il est là. Après, que ça déborde, que ça monte, on verra après comment ça arrive à se maintenir, comment c'est chaud. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de grèves, qui ont sorti plein d'argent de leur poche. Et aujourd'hui, c'est dur de leur dire de repartir en reconductible, etc. Et pourtant, il y a du monde, les âgés, les trucs et tout, les gens sont demandeurs. Après, c'est dans des endroits bien déterminés où les gens peuvent faire grève, voilà. Et là, c'est d'une certaine façon l'AG de Nuit Debout qui se délocalise devant le MEDEF aujourd'hui. Ouais. C'est à l'initiative de qui ? Nuit Debout. Alors, c'est marrant parce qu'au début, ça fait longtemps, l'idée, je prends certainement pas la paternité, c'est le camarade Samuel des intermittents du spectacle, de la CIP, qui est vraiment un défenseur sauvage de cette affaire, de reprendre le pouvoir, de délégitimer le MEDEF, etc. Donc l'idée, elle est partie de là. Ils avaient après occupé le toit du MEDEF, hein, oui, justement. Oui, oui, oui, ils avaient fait un truc assez exceptionnel, jours, assez fabuleux. Donc l'idée, elle part de là et ça commence. C'est pas aujourd'hui, on fait une assemblée, une cérémonie d'ouverture, on va dire ça comme ça. Mais après, il y a vraiment une affaire et tout le monde le sait, tout le monde le sent, que ce guignol ne peut pas continuer et que ces gens n'ont plus rien à foutre là, voilà, c'est tout. Ils ne sont pas là pour aider la collectivité, ils ne sont pas là pour aider la société. C'est nos ennemis, hein. C'est terrible à dire. Je voudrais bien dire le contraire, mais c'est comme ça, c'est vraiment des ennemis du peuple. Radio Debout. Ah. Radio Debout. Vous écoutez depuis le 34 mars l'émission de la radio de la place au République Radio Debout. Radio Debout. Vous écoutez depuis le 34 mars l'émission de la radio de la place au République Radio Debout. Et oui, Radio Debout, toujours sur la place. On retrouve Eric après ces petits épisodes et divers intermèdes entre le MEDEF et Claude François. J'aime beaucoup le jingle. Donc voilà, on retrouve Eric. Et Samuel, tu avais encore une question pour Eric. Oui, alors ces 6 mois dont tu parles d'expérience que vous avez accueilli avec ta compagne un migrant d'origine afghane chez vous, pour resituer pour les gens qui arrivent, n'ont sûrement pas été un long fleuve tranquille et surtout vous ne vous connaissiez pas hein, avant, c'est par une association, vous avez été en contact mais vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam. Ah oui, oui. Et du coup, comment se sont passés pour vous de cet accueil ? Est-ce que y a eu des moments de doute, de questionnement, j'imagine, et est-ce que par exemple l'association par laquelle, l'intermédiaire de laquelle vous avez pu rencontrer cette personne vous a soutenu dans ces moments-là ? Et derrière ça, en fait, c'est une question plus générale de savoir si ce serait une expérience que vous conseillerez, que toi tu conseillerais, et dans quelles conditions, dans quel état d'esprit ? D'accord, alors je vais essayer de répondre à tout assez rapidement. Une partie. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors la première chose, oui bien sûr, non, 6 mois, c'est pas. Effectivement, il faut le temps de faire connaissance. Bon, il se trouve que on est tombé sur un garçon particulièrement ouvert, souriant, charmant, etc. Donc ça n'a pas été très très compliqué, mais effectivement, il faut prendre le temps de se connaître, de. Voilà. En plus, il se trouve qu'on est tous les deux intermittents du spectacle, donc on a des vies assez mouvementées, avec beaucoup de déplacements, des horaires irréguliers, ceci, cela. Donc, voilà, il y a des moments où c'était, d'une part, il y a des moments où c'était difficile de se croiser. Et puis, il y a aussi des moments, il ne faut pas le cacher, où on arrive le soir assez crevé par une journée de boulot et on sait qu'il va falloir fournir cet effort de, ne serait-ce que par rapport à la langue, uniquement d'ailleurs, principalement par rapport à ça, parce que le reste, tout allait bien. Mais voilà, ça effectivement, c'est une chose. Et d'ailleurs, J'en profite pour rebondir sur la deuxième partie de la question. Est-ce que Singa, dans ces cas-là, l'association, donc, voilà. Et il se trouve que oui, que Singa organise régulièrement des réunions entre accueillants et accueillis, où d'abord séparément, puis ensemble, les accueillants partagent leur expérience avec ses difficultés aussi, etc. Et là, effectivement, le fait de la langue a été souvent évoqué comme une difficulté, et les accueillis de leur côté partagent leur expérience chez les gens qui les hébergent, et après on met tout en commun et on boit un coup et voilà, et ça c'est très régulier. Et Singa en plus propose, mais nous on n'y a pas eu recours parce que ça n'a pas du tout été nécessaire, mais propose carrément des médiations en cas vraiment d'une difficulté plus précise, plus profonde, qui peut se rencontrer dans le quotidien, par rapport au mode de vie, par rapport à... Voilà. Nous, on n'y a pas eu recours, mais l'association propose ça. Donc, aux habitudes. Oui, voilà, bah, c'est ça. Mais, voilà, il y a des barrières culturelles, voilà, il y a des choses... voilà. Après, est-ce que je conseillerais à tout le monde oui, bien sûr, dans l'idée, pour tout ce que j'ai dit avant, mais... sans que ce soit non plus une action, comme je disais, particulièrement héroïque ou surhumaine, il faut savoir donc que ça représente un vrai investissement. Et c'est là justement le prix de la chose, et c'est ça qui fait qu'on en retire soi-même un bénéfice humain. Voilà, donc je dirais oui. Après, voilà, quand on est une femme seule, par exemple, on n'a pas forcément envie d'accueillir un homme seul, pour des raisons très simples à comprendre, mais il y a aussi des femmes réfugiées, il y en a beaucoup moins que des hommes évidemment, mais il y a aussi des femmes réfugiées, il y a aussi... L'association justement, en partenariat avec ceux qui proposent des hébergements, voit avec eux quel est le meilleur profil par rapport à leur mode de vie, par rapport à... etc., etc. Donc en général, ça se passe plutôt très bien, et tous les accueillants que j'ai rencontrés à ces réunions Singa, étaient tous là à dire, et ça en devenait même un gag, quoi. Ils étaient tous là à dire « Oh mais nous, on a eu une chance folle, on est tombé sur un garçon absolument charmant » et tout le monde disait la même chose. Voilà, donc en général, ça se passe plutôt très bien. Donc oui, faisons chacun la part du colibri. Merci beaucoup Eric. On rappelle, si ceux qui seraient intéressés, vous pouvez aller voir sur les sites singa.fr ou réfugiébienvenue.com. Je voudrais juste revenir sur un truc que tu m'as rappelé tout à l'heure, on s'est parlé avant. Tu m'as dit, oui, c'est vrai que tu es déjà pas mal venu assez souvent ici à Nuit Debout. Oui. Puis, il y a un soir, je t'ai croisé ici, tu es venu, tu es intervenu à l'AG. Oui. Tu as dit, oui, tu es venu me voir après en disant, ça y est, je suis intervenu à l'AG. Et j'ai dit que dans le village de ma sœur, il y avait une Nuit Debout. Oui. Et bien, j'aimerais bien que tu me racontes la suite. Eh bien, la suite que je viens d'apprendre, c'est que cette intervention dont je ne savais même pas, parce que... Donc, qui était filmée, nous, on l'a entendu à Radio Debout, c'est sûr. Oui, ça, d'accord. Mais voilà, a été vue donc sur Internet par des gens de là-bas, de Saint-Pons-de-Thomières, qui ont appris comme ça qu'il y avait une Nuit Debout à Saint-Pons-de-Thomières et qui, du coup, l'ont rejointe dès le lendemain. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal, quand même. C'est très utile de parler et d'être relayé, surtout. Merci beaucoup Eric, merci Samuel, merci. Aussi. Merci. Et on part un petit peu à l'AG avant de retrouver Jack qui nous attend là-bas. T-I-N sans haine, on le prononce sans haine, parce qu'il n'a pas de haine, Tintin, sinon quand il a faim. N'oubliez jamais une chose, TV Debout attend de chacun de vous une interview particulière pour vos doléances face à une République qui s'habille de bleu, de blanc et de rouge. N'a-t-elle pas honte parfois de laisser à la rue des fonds sans solidarité et sans logement? Le FSL n'a-t-elle pas honte de laisser à la rue des gens qui, eux, gagnent leur vie sur le dos d'une République qui nous prend pour des ânes? Non, on ne peut laisser faire ce que le bleu, le blanc et le rouge ont habillé de notre enfance, de nos éducations communes. Ne laissez pas votre doute régner dans vos cœurs. N'oubliez jamais que debout, on se tient comme toutes les nuits, mais aussi le jour. N'oubliez pas que chacune des commissions attend de vous, non pas des arguments, mais des décisions qu'ils devront prendre dans une commune mesure, celle de la lutte contre toute discrimination, contre tout racisme, contre toute homophobie, contre tout racisme. Ô République, Marianne, j'ai regardé en dessous ta robe et j'ai vu que ton slip avait des taches rouges. N'oublie pas que tu n'es pas aussi vierge que tu n'en as l'air. Marianne, Marianne, ô République, nous voici, TV debout. Radio debout tonight, everything's gonna be alright. Radio debout tonight, everything's gonna be alright. Radio debout ce soir, ça va être vraiment bonheur. Radio debout ce soir, ça va être vraiment bonheur. Tonight, Radio debout en direct de la place de la République. Je suis toujours là et c'est maintenant Jack Souvent qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jack. Bonsoir. Jack, tu es là parce que tu as mis en scène et écrit un spectacle qui s'appelle Ticket, spectacle performance du collectif Bonheur Intérieur. Intérieur Brut. Bonheur Intérieur Brut. Bonheur Intérieur Brut. J'ai pas été à la ligne, c'est pour il ça que j'ai la pas brute. Vu. Il manquait le brut. Il n'y a pas de... Il manquait le brut. est-ce que tu peux... C'est un spectacle documentaire sur la condition de clandestin, tu peux dire ça comme ça? Oui, c'est surtout un spectacle documentaire sur les conditions de voyage des migrants en camion à Calais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as monté ce spectacle? Je sais que tu as été faire des entretiens, que tu as rencontré des gens. Comment tu as associé le côté spectacle, comédien et la partie documentaire? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident de non, parler c'est des pas évident. Moi, j'ai vu le spectacle, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident de parler des choses qui sont dramatiques à ce point. Un peu l'horreur, quoi. C'est toujours difficile de traiter l'horreur. Et les conditions de voyage des migrants en camion, j'ai été rencontré à Calais, à Dunkerque, à Agadez aussi, des clandestins qui étaient en latente, en partance auprès des camions, quoi, dans les ports. Et puis aussi, j'ai rencontré des gens qui sont passés dans ces conditions et qui ont raconté comment ça se déroulait à l'intérieur. Donc ça veut dire que nous, on posait des questions très concrètes, ça veut dire à quoi on pense dans ces traversées, qu'est-ce qu'on prend comme affaire, comment on fait pour faire ses besoins, des trucs hyper concrets. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était qu'ils ne pensaient à rien, qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas faim, que la peur annihilait absolument tous les sentiments, quoi, toutes les émotions. Et ils pensaient qu'à une seule chose, c'est de ne pas se faire prendre, pas se faire capturer. Donc d'un coup, il y a tout qui est réduit à une seule situation, c'est de ne pas se faire prendre. Donc évidemment, il y avait plein d'histoires singulières, différentes, selon les clandestins qu'on rencontrait. Mais chaque fois, ce qui recoupait, le point commun, c'était le rapport au corps, le rapport à l'obscurité, le rapport à l'enfermement, le rapport à cette épreuve physique. En fait, voilà. Et donc nous, on a souhaité placer... le rapport à l'organique, au corps, au centre du dispositif. Voilà. C'est pour ça que le spectateur est enfermé dans un camion. Voilà, ça on l'a pas encore dit. Voilà. Dans la situation, enfin, on se rapproche le plus près du réel. Évidemment, on ne sera jamais des clandestins. On sera jamais, enfin, j'espère pas. Peut-être qu'on sera un jour. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne l'est pas. Et donc, il s'agit de se rapprocher au plus près. Et le plus près, ça reste le volume du conteneur, c'est-à-dire cet espace dans lequel on enferme le spectateur. Ça, lui, il est bien réel. C'est-à-dire sa dimension, l'espace qu'on propose au spectateur, lui, est bien réel. C'est le symbole absolu de la mondialisation, de la marchandisation. Un conteneur, c'est 12 mètres de long, c'est 2 mètres 50 de large. Et là, ce qu'on propose au spectateur... c'est une concentration à 50 personnes dans cet espace. Oui, là où ils sont, eux, beaucoup plus nombreux. Il y a eu des découvertes à 200 personnes dans le même espace. Voilà. Donc ça, c'est un rapport, une perception qui est certainement la plus réelle avec l'enfermement, avec l'obscurité, avec les sons. Oui. Ouais. En termes d'écriture, comment vous avez procédé, puisque c'est un collectif, j'imagine que tu ne l'as pas fait tout seul, même si l'écriture est un peu mise à ton nom, mais, et qu'il y a eu de l'improvisation, puisque le jour où moi je suis allée à la représentation, il y a un petit débat après avec les comédiens. Ah oui. Donc j'ai bien compris qu'effectivement il y a aussi une part d'improvisation, par rapport aux réactions du public. Parce qu'il y en a qui réagissent parfois, qui se prennent vraiment pour des clandestins ou je ne sais pas, mais qui réagissent, donc il y a une petite part d'improvisation. Mais en termes d'écriture, comment ça s'est passé ? Bah comme je le disais, en fait, on a rencontré des clandestins, on a travaillé sur les états avant le voyage, en fait, des états de jeu, en fait, nous, ce qu'on recherche. Mmh. Parce que l'écriture du spectacle, finalement, on raconte pas énormément de choses sur la trajectoire des personnages. Non, la cause ni la conséquence. En fait, on s'en fout un peu. On a cherché à faire une photo vraiment de quelques heures avant le voyage. Donc on s'est concentré vraiment sur ce qu'il nous rapportait du rapport à Louis, par exemple, le rapport à l'obscurité. Donc chaque détail sonore, chaque voix va donner une indication sur le trajet où il se trouve. Donc ça, on a vachement bossé là-dessus. On est allé. On s'est fait passer pour des flics aussi, on est rentré dans des hangars où on a pu découvrir comment s'effectuaient les contrôles réellement. Mm-hmm. On s'est fait passer pour des flics par hasard, hein. C'était pas le but, mais on est rentré dedans et on nous a laissé rentrer, ce qui était impossible, ce qui est impossible normalement. Donc on a pris pour des flics en fait. Voilà, on nous a pris pour ça, exactement, on nous a pris pour des flics. Et donc là on a pu observer, donc là on a rapporté ça aussi dans la réalité des contrôles par exemple. Et ensuite, c'est vraiment un travail, une écriture avec le spectateur. Ça veut dire que quand on travaille dans notre container tout seul, on attend évidemment la montée de 50 personnes dans le container. Donc ça s'écrit au fur et à mesure des représentations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va jusqu'où on peut aller dans la manipulation du spectateur, quelle place il va trouver, est-ce qu'il est spectateur ou est-ce qu'il devient acteur ? Tout ça, c'est des frontières qui sont très ténues. Dans lesquels c'est assez difficile de naviguer parce qu'on n'est pas des clandestins. Voilà. Ouais. Alors quand tu parles de manipulation, effectivement, il y a la manipulation physique avant d'entrer dans ce camion, même par quelqu'un qui fait un passeur et qui regroupe tous les spectateurs pour les faire rentrer dans manière un peu musclée, un peu voilà, mais oui, pas trop. Oui, c'est un peu physique, mais pas trop. C'est un peu physique, mais pas trop. Non, on est bien d'accord. Mais après, c'est effectivement l'enfermement. Oui. Et les sensations qu'on peut, du coup, en tant que spectateur, éprouver en étant tout d'un coup enfermé dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas, si on n'est pas venu avec 50 personnes d'amis, voilà, on se retrouve comme ça. Y a quand même la diffusion, on peut dire aussi à l'intérieur du camion, il y a des sons qui sont diffusés à l'intérieur, je dis bien des voix, des archives. Oui. Le travail effectivement sur le son de l'extérieur est super bien fait, c'est-à-dire que une fois que le camion se met en route. En fait, le camion est immobile et le travail sonore fait qu'on a l'impression qu'on se déplace. Oui, voilà. Absolument. C'est la sensation. Vraiment, c'est la sensation qu'on a. Du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'avais un truc qui était là. C'était pas que sur le son. Voilà, j'ai perdu. Les archives, les documents, les extraits sonores. Oui, mais il y avait. Non, voilà, il y a un trou. Hein. C'est une absence. Non, mais en même temps, il se passe plein de choses autour de nous. Il se passe plein de choses autour de nous. Voilà, il y a une absence. Mais c'est bon, les absences. Moi, j'aime bien les absences, j'aime bien les silences. Mais peut-être ce qui se passe dedans, c'est qu'on essaye de reproduire un petit peu de ce que peuvent ressentir les clandestins dans la proximité, les 50 personnes. J'essaye de retrouver le fil, hein. Oui, mais moi je l'ai retrouvé. Ça y est, j'ai fait. J'ai retrouvé, merci, j'ai retrouvé le fil. En fait, moi j'ai assisté à une représentation qui était donc masculine, on va dire. Oui. Il y a une représentation féminine. Oui. La différence en deux mots, c'est. Elle est importante, la différence. Quand on a fait les enquêtes en 2007-2008, parce que c'est un spectacle qui a 8 ans. Oui, qui tourne depuis longtemps. Voilà. Et c'était surtout le voyage clandestin en camion, c'est surtout un voyage d'hommes. Voilà, c'est surtout les hommes qui voyagent dans ces conditions. Et à la fin de notre enquête, il commençait à y avoir des femmes, il commençait à y avoir des enfants. Et donc on a étudié la question et à chaque fois l'intégrité physique des femmes est mise à mal. Donc à chaque voyage, il y a agression sur les femmes. Et donc on voulait absolument faire un deuxième scénario pour traiter la question. Et dans la version masculine, on a deux hommes qui voyagent ensemble, qui n'ont plus de fric, qui ne passent plus par des passeurs et qui essayent de passer dans le camion à l'insu du chauffeur. Le chauffeur n'est pas au courant parce qu'il faut savoir qu'il y a deux misères qui se croisent. C'est la misère des chauffeurs qui sont responsables de leur chargement et qui s'ils se font attraper... Une amende de 2000 euros. Amende, prison, immobilisation, etc. Donc ils font justice eux-mêmes à coups de baramine sur les parkings. Et ça, c'est quand même la réalité. Et c'est très tendu en ce moment, à Calais en ce moment même. L'autre version, la version femme, c'est une version où on a plutôt un trafic d'êtres humains organisé du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire le chauffeur est au courant, le passeur est au courant, tout le monde est au courant. D'accord. Et donc là, on fait vraiment entrer un nombre impressionnant de personnes dans les camions. Et on va raconter l'histoire de cette femme. Et là, on est plus sur l'immigration subsaharienne. Donc c'est une femme noire africaine. Et on suit son périple. Okay. Alors, ce spectacle, il s'est joué jusqu'à hier au musée de l'immigration. Ça fait un moment qu'il tourne. Mais donc, il y a une version sonore qui était écoutable en avant-première depuis aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ouais, actuellement même. Actuellement, encore. Ouais. Qui sera écoutable ensuite jusqu'au 3 juillet. Oui, 3 juillet. Et ça a donné aussi l'occasion d'un documentaire sonore qui sera diffusé sur une chaîne nationale le 25 mai. À 23h. À 23h, sur France Culture, c'est ça ? C'est ça, ouais. Bon. L'écoute sonore actuelle, elle est donc au Musée national de l'histoire de l'immigration et elle se déroule dans le conteneur, voilà, dans le camion. Voilà. Donc, on vous conseille d'aller peut-être faire un tour dans ce camion et d'aller écouter ce spectacle. Voilà, c'est possible, ou au casque, ou je ne sais quoi. Bon. Merci beaucoup, Jack. Tu veux rajouter quelque chose ? Je veux rajouter quelque chose. On a travaillé avec un sociologue qui s'appelle Smaïn Lahacher et on a édité en même temps, donc vous venez écouter dans le conteneur, on a un petit document qui redéfinit un petit peu des notions qu'on mélange un petit peu aujourd'hui. Par exemple, la différence entre un clandestin et un sans-papier. C'est pas du tout la même chose. Voilà, un clandestin, il n'a pas d'adresse, il n'a pas de travail, il est de passage, il est temporaire sur le territoire. Un sans-papier, il a des papiers, il a un domicile, il a un travail et il est reconnu par des associations, il est reconnu par ses employeurs et tout ça. Un clandestin, lui, il n'a pas de papier. C'est ce qui dérange l'État, c'est ce qui dérange l'État-nation qui veut contrôler qui est sur son territoire, qui fait quoi, quand. Et c'est bien pour ça que les clandestins sont dérangeants pour l'autorité, voilà. Entre autres. D'accord. Toutes ces informations, vous les aurez en allant au musée de l'immigration pour aller écouter ce spectacle, donc Ticket. Merci beaucoup, Jack. Ben, merci à vous. On retourne à l'AG ? On retourne à l'AG, on me fait signe que oui. Je passe la parole à Daniel maintenant. Daniel, Bon, je salue tout le monde. Je suis venue quelquefois à la place de la République, mais j'ai l'impression que les gens ne regardent pas les infos. Il y a une personne qui a écrit un livre, paraît-il, Hollande, chef de guerre. Alors là, je lis dans les journaux qu'on a augmenté le budget militaire de 2%. Hollande, il bombarde en Syrie, il bombarde au Mali, il tue des gens partout. C'est notre président de la République. Et on lui dit rien, on laisse tuer les gens dans les autres pays, et on trouve que c'est normal, ça. Et puis on danse, et puis on s'en fout des autres qui se font tuer ailleurs, qui ont démoli leurs maisons, leurs villes, elles sont complètement foutues, avec nos bombes, nos bombes tuent des gens en ce moment, nos bombes françaises. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais bien que le peuple s'exprime, écrit, on veut la paix, on ne veut plus de guerre, et que ça s'arrête, et que les bombes françaises n'aillent pas dans d'autres pays tuer des gens. Merci Daniel. Bon, je passe la parole à Adam, qui sera le dernier intervenant pour ce soir. Après, il y aura une série d'annonces, et après, les gens de Chansons Debout. Alors, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste passer un message assez important au niveau de la crédibilisation du mouvement. En fait, pourquoi on ne va pas aller foutre le bordel dans la rue ? Pourquoi on ne va pas alimenter le cercle de la violence, que ce soit auprès des CRS, que ce soit partout dans le monde, que ce soit au niveau de la société ? C'est pas parce qu'on est gentil, comme on l'a entendu dans plusieurs discours avant. C'est juste pour pas qu'on soit du mauvais côté de l'histoire. Le problème ici avec ce mouvement, c'est juste qu'on n'est pas crédible aux yeux de l'opinion publique. On n'est pas crédible au niveau de tous les Français. Et le problème, on a besoin de crédibiliser ce mouvement. On a besoin non seulement de se mettre du bon côté de la morale, du bon côté de l'histoire, mais aussi se mettre en marche, en action, et se mettre vraiment en révolution. Mais cette révolution ne doit pas être une révolution violente. Il ne faut pas oublier que si la Nuit debout, c'est un bon début, c'est que la première étape d'une nuit en marche. On a vraiment besoin d'être en marche, d'être en action, et pas être dans une action violente. On ne doit pas, comme certains intervenants l'avaient dit avant, se mettre du côté de la violence, du côté des casseurs, du côté de la violence même envers l'État et le gouvernement. Il faut changer. S'il faut changer le système, si vous voulez vraiment changer le système, si vous voulez vraiment le réformer, c'est pas par la violence que l'on va y arriver. C'est jamais en faisant de la violence avec notre pauvre pouvoir de citoyen qui est bien inférieur à celui de l'État qu'on va arriver vraiment à bousculer l'État. Parce que c'est qu'en étant du bon côté de l'histoire et en étant du bon côté de la révolution qu'on arrivera à vous. Ok. Par rapport à ce qui vient d'être dit et puis à la personne qui était là avant, il y a Sébastien qui a une opposition radicale, donc on le laisse exprimer. Moi, je dirais pour toi, chef. Excuse-moi, bonhomme. Moi, je vais te dire bonhomme. Moi, je vais te dire, je te fais une opposition radicale pour une seule et bonne raison, c'est que t'as quand même 75% des forces de l'ordre qui sont pour le FN, ce qu'on appelle les casseurs. Le reste, c'est marqué dans leur loi, dans leur contrat, comme quoi, tout simplement, c'est le social. Ils sont sociables. Tu peux parler avec eux, mais avec un comportement radical. Le radical, c'est tout simplement, on peut dire qu'on est tranquille, oui, il ne va pas te taper dessus. Il ne tape pas dessus. Il fera son travail par rapport à son supérieur. C'est des ordres qu'ils ont. C'est des moutons. C'est des moutons pour nous. Ils sont là pour pouvoir faire le loup. Accompagner des moutons et tuer des brebis. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est la police. C'est les CRS. C'est même l'armée. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui s'est produite au musée. Au niveau du musée de l'armée de terre, où là, ils ont saccagé la porte d'entrée, et pourtant, c'était pas nous. C'était pas des casseurs. C'était la Ligue ultra-démocratique du FN de la défense juive. Tu vois ? Tous les soirs, place de la République. Radio debout s'installe, c'est magique. 3-4 heures en live, oui, c'est super, yeah. Que tu puisses capter l'atmosphère, c'est pas une illusion. Radio debout. Radio debout. Tous les soirs en live. On installe la table. Tous les soirs en live. On déroule les câbles. Tous les soirs en live. On branche les mics. Et non, ce n'est pas une illusion. Radio Debout est bien toujours là sur la place de la République. Je passe la parole à Patricia qui va s'entretenir avec Raquel à propos du Portugal. Alors, on est avec Raquel Frère. Raquel Frère est réalisatrice de fiction et Raquel Frère aussi activiste. Et elle a participé à l'organisation du grand mouvement social qu'il y a eu au Portugal en 2011, qui s'appelait... Et on est de retour. On est de retour. Je vais réessayer une troisième fois. C'est ça qui se passe maintenant en France. Donc la démocratie part un petit peu, va un peu à volo. Oui, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tout le temps cette illusion que la démocratie était votée de 4 ans, 5 ans, 5 ans, et ça ne suffit pas de tout. La démocratie, c'est les droits sociaux, politiques, culturels, tout. C'est le droit à avoir une habitation, c'est le droit à avoir l'éducation, c'est le droit à avoir l'accès à la santé. C'est tout, c'est ne pas avoir une dette imposée pour des banques qui nous imposent des dettes à les citoyens et les citoyennes. Et tout cela, en fait, il fait des années que les citoyens et les citoyennes ont complètement perdu le pouvoir politique. Ça veut dire que la démocratie représentative a arrêté de marcher complètement. Et ça, c'est très, très important parce que ça que ça passait au début au sud d'Europe, maintenant, ça se passe aussi en France. Et pour moi, c'était bizarre parce que ça a commencé en Grèce. En fait, la Grèce a fonctionné comme un laboratoire de cette mesure d'austérité appliquée pour le FE, le Banque Centrale Européen. Oui, la FMI, et la Troïka. Et la Troïka, ça qu'on appelle la Troïka. Et moi, quand j'étais ici au début à Paris, et je voyais les Grecs qui me parlaient de toutes les mesures d'austérité et la tragédie qui se passait dans leur pays, moi, j'ai regardé et j'ai pensé, jamais ça va se passer à Portugal. C'est ça que moi, je sentais profondément. Et après... quand ça a commencé, les mesures d'austérité ont été appliquées à Portugal et j'ai commencé à voir le ministère de la Culture éliminé, je commence à voir les mesures d'austérité, par exemple la loi de travail avec les mesures d'austérité, exactement comme ici, maintenant ils essaient de faire en France, quoi, la même chose. Là, j'ai vu, ok, ça va nous arriver à nous et ça va nous arriver dans toute l'Europe. Et quand j'ai essayé de venir ici et de parler avec mes amis français sur ce sujet, il disait non, c'est votre non, faute. Non, ça ne va pas arriver. Non, jamais ça va arriver en France. Notre démocratie est très forte. C'est vraiment... donc, alors, ça, je pense que c'est le plus important à voir maintenant. C'est partager les expériences et comprendre que ce n'est pas un problème ni de France, ni de Portugal, ni de la Grèce. C'est un problème de modèle de l'Europe et un problème de manque de démocratie. Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot en portugais ? Oui, je veux dire à tout le monde qui est ici de ne pas rester ici, mais de s'organiser, parce que ça ne suffit pas. Ça, je peux vous dire. Organisez-vous et continuez. Merci. Les petites frappent les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé défile. Les petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. La hausse dans la France du Gotha, planète des bandits en col blanc. Les patrons usent des salariés pour nettoyer leur limousine. Caméra de sécurité, on garde un œil sur vos vitrines. Du ghetto, du bigotard, on se divise, on s'écrime. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Tous les petits bourges et Kaira, les petits frappés, les gros tas. Toutes les idées qu'on transporte à la télé défile. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Ok. Là-bas dans la France des ghettos, vive la nuit chauffant le jour. Violence et chacun pour sa peau, pose pour la mif, rien en amour. Stupéfiant dans les quartiers rouges, armes sorties, plus rien ne bouge. Du ghetto ou du Gotha, on se divise, on s'écribe. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les petits bouges et Kaira, les petites frappées, les gros tas. Toutes les idées qu'on transporte à la télé défile. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Utopiste déconnecté, solitaire de tous les quartiers. Toujours mieux qu'être corrompu, ce que l'on veut c'est partager. Réinvestir l'espace public qui nous a été arraché. Qui nous a été arraché. Ok. Du ghetto ou du Gotha, on se divise, on s'écrit. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les petits bourges et Kaira, ces petites frappées, les gros tas. Toutes les idées qu'on transporte à la télé défile. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Seb, je tape dans mon petit micro. Ok. On voudrait dépasser nos peurs sans être moralisateurs. Nous n'avons pas de vocation à refaire ton éducation, mais les quartiers c'est dans ta tête. C'est d'abord là qu'il faut qu'on pète. Je le répète encore un coup. On voudrait dépasser nos peurs sans être moralisateurs. Nous n'avons pas de vocation à refaire ton éducation, mais les quartiers c'est dans ta tête. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. C'est d'abord là qu'il faut que ça pète. Du ghetto ou du gotha, on se divise, on s'étripe. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Sur les petits bourges et Kaira, toutes les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé des films. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être. Du ghetto ou du gotha, on se défile ou on s'étripe. On tête au sein des médias, tous les stéréotypes. Tous les petits bourges et Kaira, toutes les petites frappes et les gros tas, toutes les idées qu'on transporte à la télé des films. Vos petites cases, on n'en veut pas, on a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. On a fini d'être docile. Radio Debout. Hyper content de vous retrouver. Vous avez pris, je pense, un bon son dans les oreilles. Donc on est en compagnie des musiciens. Tout à l'heure, j'ai dit juste un petit mot. Donc, vous allez, les musiciens de Hip Hop Métro. Est-ce que tu peux te présenter, donner? Oui, bonsoir. Je m'appelle Dani. Comme ça, oui. Comme ça. Ok. Je m'appelle Dani. Avec toute mon équipe ici, je présente Anna Maria, Cosmina. Et Mihai dans l'accordéon, il joue dans l'accordéon. Mets pas ta main dessus trop, là, parce que, voilà. Et donc vous allez nous interpréter deux morceaux, et vous êtes sur quelle ligne de métro? Partout, madame. Ouais, ouais. C'est ça la force, partout, être partout. À vous. Vremo rapere zi din club până în penitenciară. Foc să ne debate, propaga sunt date tare. Intru pe bulevară, se ia mode din distanță. Muzică pentru băieți, nu pentru orice zanță. Știu dore cu băieții din brigadă. Inspirat o generație întreagă. A fost pe bază bombele mele de stradă. Coda din periferie, acum e respectat. Se vede clar de la cine e plecat. Mulți au auzit tot de la de pe stradă. Prima dată lucrez sub acoperire cu CIA. Azi vreau ca să moară fetele. M-am îmbrăcat frumos, a sortat cu ghetele. Șapca pe cap, ochelare, pomori. Bluza strâmbă să nu uităm scobitorile. Și orice argumente reputabile ține. Am ales să fac asta, las-o că o fac bine. Nu contează rezultatul că vine în sine. S-ar alege praful dacă toți ar fi ca mine. Ce trece, ce face? Hai să fii un guaci, vorbele sunt capaci. E un citat, un bălat, ești cu tot de la bani. Ce atunci evoluată, doar la stadiu de găuaci. Tu ești un secat și eu sunt Gucci Versace. Am cele mai tare hai, cele mai tare chef. Cele mai tare apariții, cel mai frici cu Mercedes. Cea mai sexy tipă, cea mai sexy tipă. Yeah, yeah, fata scoasă din timp. Să vină îngeri, să mă ridice la cer. Atunci când lumea e a mea, sunt băiere ca mie. Și-au ridicat imperiul din afaceri ilegale. Pe stradă poți să te arăși cu rănile tale. Și armele zâmbesc încă din felinare. În continuare bunagii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărat spălesc ca un boboc de floare. Uita de florele, se le dicoz de soare. Și garda se fărește atunci cu peștea lasciate mare da reattiva in lasca porta crescia a vende missi extraordinare la bilanza un motore candidata come faccio lo con tre sidur de beton si accaparazza to un priede cali e meccanic fra ci muciste camuro bella sotte le sotte combina cazzo non mai faccio di me dice che tu fa se me ne programmi se tu puteri le cifra famiglia fresci il soffio e pina noi il cieco siamo nel contine romone pune dal dintre voi si una bel viaggio ci la cresci entre voi va morire speranza dati voci care amori di notte giù amori che se va più e pina per poter pune di acconto non ti pina da proprio disco a tutto romone Questa spunta, non vedo la monta, non so mi aggiunga Panicchiare dell'ole, troppe toate, ci numerate Vine cantate, se sta una onda e tasso Fino a un giri, se mi ridice la cera A tu che non mi è a me, se un bagliato di cartiglier non me la sì Che mi dammo un avvantaggio, pare che spetto c'è vrò C'è un viazza cazzo, che non mai Dumnezeu știe Dacă greșesc, dare luptă în continuare Și n-o să mă opresc, o să reușesc să țin lumea La doi gentul mic, că m-am născut N-am primit nimic Vous allez nous faire un deuxième morceau. Ok, madame. C'est ça. Il s'appelle comment le deuxième morceau? Attends. C'est un morceau avec un guitare. Oui. C'est un instrumental. Et nous, on va chanter toute la journée. Ça s'appelle Amnig son guitare instrumental. C'est simple. C'est simple, madame. C'est pas. Ok, à okay. vous. Je comprends pas noi, după meciul se termină cu pas Că și la noi suntem o mare familie N-avem capații, dar n-am probleme Poate știi bine, fugim unii de alții Avem multe biserici, că păcătuim cam des Vine de femei, măritate din interesul des România undeva, Balcani, când apagă Am 5-7 ani de pe stradă Topuri declarate, hai să facem bani grămadă Fără suferințe și jumătăți de măsură Fără băieții care cântă cu chef Dăm ce am învățat pe stradă a fost de folos Lumea showbizului e un joc periculos Stilul vagabonților din stradă în studio Din studio ai problemă la radio Developistul în difuzoare Ci că muzica de stradă nu mai e la modă frățioare Producătorul sugerează o schimbare Sișu și puia nu sunt de vânzare Primul răpere, țiric, cu tun, n-am penitenciare Băxele de față, bulbaga sunt date tare Tu pe bulevard se aude din distanță Muzică pentru băieți, nu pentru orice stran Sișu Tudor e cu băieții din brigadă Am inspirat o generație întreagă Pot pe bandă, vorbele mele de stradă Bota din periferia, cum e respectată Se vede clar de la cine e plecată Muzeu auzit-o de la nepestrare prima dată lucrez Cuția, ei, nu aia din America, ci din Craiova Care n-ai curaj, n-ai cum să vrei Că e posibil să o dai, dar e probabil să o iei Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi Și cum se schimbă unii fete, nici nu-ți vine să crezi Un fel de Tony Montana în România Fac tot posibil să evi pușcăria Ca Leonardo, rupise campion mondial Mă aflu în metro fără niciun... Ce mâna mele arătă pe la televizor Crime frivol, jafă, omor E ca un fel de groază, te speri Râs când vezi că pe politicieni peri Nimic nu spune cum să fac să trăiești Cum să ții o casă copilul să ți-l hrănești Acele specii parte care zâmbesc frumos Sistemul ăsta e făcut să fie periculos Vadă jurul meu fel de fel de rupe patch. Je vous dis à tout un bon indice qu'on saute dans la patch. Merci beaucoup, merci. Ah, ça va? Et la chanson n'était pas bien. Elle était pas assez forte, la chanson. Ah oui, c'est des petits problèmes techniques, ça arrive souvent à Radio Debout, sur la place de la République, on est désolé. C'est à vous cause de même, vous avez quand même chanté jusqu'au bout, malgré la difficulté un peu. Qu'est-ce que tu dis? Vous voulez dire quoi? Vous voulez reprendre un petit peu? Non, qu'est-ce que vous avez dit? Non, ça va? Est-ce que... parce que je... On a encore le temps ou pas? Non. Ah, il y a un plateau derrière. On a un plateau derrière. On va. Ouais. On doit accueillir des invités derrière. Mais par contre, avant que vous partiez, je voulais vous remercier d'être venu. Pas de souci, madame. Maria, Cosmina, Michal et Dani. Donc tous les quatre. Et en fait, j'avais une petite annonce à faire. Pour vous, par rapport à vous, c'est que vous chantez, vous jouez dans le métro, mais c'est pas avec ça que vous gagnez votre vie. C'est pas, ça fait pas beaucoup d'argent et c'est voilà. Et vous cherchez du travail parce que, comme tout le monde, vous avez besoin de travailler. Si vous avez envie de les soutenir, ils travaillent. Toi, tu travailles un peu dans le bâtiment déjà, mais très peu, pas suffisamment. Dani, je ne sais pas ce qu'il fait. Dani, toi, tu sais quoi tes métiers que tu sais faire? On travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment. On fait tout ça. Et Michal? Et Michal? Michal, il connaît la même comme moi parce qu'en avant, il travaille avec moi. Il connaît la même comme moi. Il fait un bon boulot. Il travaille en bonne qualité. Donc voilà, mais tout ce qui pourrait être un travail, c'est nécessaire pour eux. Ils en ont besoin pour la famille, pour tout, pour le loyer, pour tout ça, comme tout le monde. Donc en fait, si vous avez envie de les aider, vous pouvez écrire sur la page Facebook de la Voix des Roms. Voilà, et on souhaite que ça. Et alors également, parce qu'en fait, ils vivent dans des caravanes. Et donc, Dani me disait que la caravane était un peu abîmée dans laquelle il était et que c'est très difficile de faire à manger dedans. Et les conditions sont pas très bonnes. Et donc c'est également aussi la recherche de logements, d'hébergement, de logements durs, on va dire, pour la famille, pour pouvoir mettre les enfants à l'école et pour vivre dans des conditions décentes comme tout un chacun. Donc toujours sur la page Facebook de La Voix des Roms. Voilà. On vous remercie en tout cas d'être venu. Merci, c'est vraiment super. Beaucoup. Et on vous écoutera aussi dans le métro quand vous passez. On espère surtout que vous aurez un travail. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, tout le monde. Ah, je suis désolée. Radio Debout. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on le fait. Radio Debout, on est toujours là. Je passe la parole à Alain qui termine ce soir. République, place de la République. Donc nous allons rencontrer Thiago. Mais avant, un petit son à envoyer à la technique. Merci. Alors je peux plus m'asseoir non plus. Attendez là. C'est bon, c'est parti. Une délocalisation de l'Assemblée Générale Nuit Debout, organisée par la commission Convergence des Luttes. Alors rapidement, un petit point sur le programme. Il va y avoir un vote tout à l'heure sur cette assemblée de séparation. Donc vous êtes invité à aller chercher des cartons au Barnum Blanc qui est derrière nous. Et puis donc je rappelle un peu la chorégraphie. Là il va y avoir des témoignages des communautés affectées par le patronat. On va voir ça à partir de 18h10 par là, donc il y a une dizaine de témoignages. Et puis ensuite, on tiendra à l'AG avec les discussions, la parole ouverte, etc. Il y aura une pause gataz, petite surprise. Et puis, on passera au vote un petit peu sur ce qu'on va se déterminer. Voilà, donc je vous invite à aller chercher des cartons à la tente derrière. Carton rouge au MEDEF. C'est l'assemblée de séparation du MEDEF et de l'État qui va démarrer... Avenue Bosquet, à Paris, dans le 7e arrondissement. Une délocalisation de l'AG Debout de République. Et il y a beaucoup de monde qui est réuni là pour démarrer cette opération délicate, parce que c'est bien enquisté le MEDEF et l'État. Et on va justement voir Gus Macia, qui est là, Gus Macia, qui est un des piliers du mouvement altermondialiste et qui est membre du conseil scientifique d'attaque et membre aussi du conseil international des forums sociaux, le forum social qui va se tenir du 9 au 14 août 2016 à Montréal. Radio Debout. Gus Macia, à la séparation du MEDEF et de l'État, il faut opérer parce que c'est bien enquisté, non ? Je m'appelle Jules, je suis à commission accueil coordination. Et moi je pense pas que ça s'essouffle, je pense que c'est une mauvaise image que de voir les choses comme ça. Je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte, c'est que premièrement il y a une stagnation, c'est vrai. On a beaucoup suscité de curiosité, les gens venaient beaucoup en masse, là ça a stagné. Alors à l'accueil on est très bien placé pour les voir, les nouvelles personnes, mais ça stagne un peu en termes de fréquentation. Après il y a une autre chose et c'est souvent c'est une question de lieu. On fait des actions ponctuelles en dehors de la place de la République, et comme hier avec devant le MEDEF, ou la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Donc en fait c'est un peu une illusion d'optique. Des gens ils viennent, bon, il y a République, il n'y avait personne. Bah ouais, bah, normal, on était tous devant l'Assemblée nationale, c'est normal qu'il n'y ait personne en République. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Après il y a aussi la fatigue des gens qui sont là tous les jours depuis un mois et demi, deux mois. Ça c'est important aussi, je pense, ça joue. Il ne faut pas désespérer. Ah non, mais moi je ne l'espère absolument pas, au contraire, j'attends rien de particulier de ce mouvement, mais je ne m'attends pas à un essoufflement en fait. Il y avait un article sur slate.fr qui est intéressant, c'est pourquoi Nuit Debout va durer. Et j'étais assez d'accord avec les arguments, je vous invite à le lire. Mais je pense que ça va durer, voilà. Tant qu'il y aura des gens pour faire vivre le mouvement, et puis là, on regarde autour, hein. Je pense pas que ça s'essouffle, il y a du monde, voilà. Après, il y a aussi des gens qui viennent à certaines heures. Moi, je suis venu à 13h, il n'y avait rien. Oui, bah, 13h, on n'a pas encore monté, on a autorisé ce préfectorat à partir de 16h, donc c'est normal. Voilà, puis il y a aussi le côté, ça dépend des jours, lundi, mardi, mercredi, il y a moins de monde. Mais c'est tout simplement le rythme de la semaine normale, en fait. Donc il y a le rythme de la semaine des gens. Ah, oh, bah mardi, il n'y avait pas grand monde. Bah oui, non, on était mardi, il pleuvait. En plus, on était devant l'Assemblée nationale, donc oui, c'est vrai qu'il n'y avait personne. Donc voilà. Voilà un petit, une petite interview réalisée à 18h sur la place de la République aujourd'hui. Une question, on est le 82 mars, et est-ce que l'enjeu, est-ce que l'énergie qui a commencé il y a 82 jours est toujours la même? Et pour en parler, il y a Thiago qui est avec nous, et puis Alex. Alors Thiago, vous êtes référent, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour moi, ça veut dire la même, être référent, ça veut dire être la même chose. C'est pas parce qu'on est référent qu'il faut qu'on fasse être, on va dire, plus responsable. C'est aussi à montrer à les autres qu'être passé avant et après, démontrer la même chose qu'on fait. Alors, vous êtes arrivé sur... en fait, vous venez de loin, Thiago. D'où venez-vous et, quand êtes-vous arrivé place de la République? Alors j'ai habité pendant 5 ans à Paris, enfin, je suis parti dans le sud, j'ai vécu 2 ans et là je reviens encore du sud, enfin, j'étais entre Marseille et Montpellier et là ça fait 4 semaines que je suis à Paris et c'est là que j'ai rencontré la Nuit Debout à République. Alors vous avez intégré la Nuit Debout puis maintenant vous êtes on va dire... pas aux commandes parce que c'est pas comme ça que les choses se passent, mais vous avez un poste où voilà, vous êtes là tous les jours. Bah je suis là tous les jours jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous faites alors? Là, qu'est-ce que vous avez fait? Là jusqu'à maintenant, je pense que j'ai soutenu, je soutiens encore tout le monde qui a besoin d'aide. Et je pense que c'est pas maintenant qu'on devait laisser tomber. Et aussi que je pense que j'ai déjà passé par là, donc c'est pas très très facilement vécu ce qu'ils sont en train de vivre, et voilà. Alors Alex est là aussi, alors Alex tu peux te présenter? Je m'appelle Alexandre, à la base je suis agent de sécurité, donc mes horaires me permettent de pouvoir être ici pendant la Nuit Debout, donc j'essaie de venir le plus que je peux, et moi ce que j'aime bien en travaillant par exemple comme avec Thiago et des référents, c'est qu'on n'a pas de vrai chef. C'est que c'est juste des personnes qui ont des idées, qui partagent leurs idées et qui demandent aux autres s'ils sont d'accord ou non avec leurs propos. Et alors, toi, Alex, par exemple, qu'est-ce que tu fais concrètement à Nuit Debout ? Moi, concrètement, je viens ici pour faire la cuisine debout. Donc, on épluche les patates. Enfin, ça me fait plaisir de partager avec tout le monde. Alors, donc, on va écouter un second point de vue sur aujourd'hui. Donc, cette énergie de Nuit Debout, est-ce qu'elle est toujours aussi vivante ? Seconde petite interview cet après-midi à 18h, place de la République. Je m'appelle Joris, je suis membre initiateur d'Avocat Debout et Avocat Debout est présent sur la place depuis le 3 avril. Les choses s'organisent, se structurent petit à petit, ça prend du temps. Évidemment, c'est un premier coup d'essai. Hein. On imagine que le mouvement des indignés ou Occupy Wall Street ne s'est pas fait non plus en 3 semaines. Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment d'une régularité qui s'est installée, une vitesse de croisière en fait, c'est le mot que j'aime bien employer. Avocat Debout, on est présent tous les jours de 18 à 22h et 16h le week-end et les jours fériés. Donc c'est pérenne pour l'instant. Il y a des jours où les gens font la queue. Non, non. C'est très difficile à évaluer, il y a des périodes très creuses. Tu vois, là, il n'y a personne. Hier soir à 22h, on n'arrivait pas à fermer parce que les demandes affluaient sans cesse. Et de toute façon, même si la quantité diminue, en ce qui nous concerne, nous, Avocats Debout, la diversification des demandes, elle ne varie pas. C'est-à-dire famille, travail, logement, papier, la palette, elle ne se réduit pas. Nous, on fait une AG par semaine, une assemblée générale par semaine. Qu'est-ce que va devenir Avocats Debout le jour où Nuit Debout ne sera plus là ? Est-ce que Nuit Debout, déjà, pourra résister à une désimplantation physique ? Est-ce que le réseau immatériel est suffisamment solide pour que Nuit Debout puisse continuer à exister autrement que par des stands ? Moi, je le crois, parce que quand je vois le carnet d'adresses que j'ai constitué, enfin que chacun d'entre nous hein, a constitué, et là, je ne parle plus d'Avocat Debout, c'est chaque membre de Nuit Debout, je pense qu'on est tous maintenant en lien avec les autres et on trouvera une autre façon de faire ou on reprendra plus tard. Alors Thiago, tu écoutes avec nous tous ce témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, tu d'autres lignes de la tête ? Tu es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'avocat qui vient de parler. Et aussi, je pense que ce n'est pas le moment pour qu'on laisse tomber la Nuit Debout. Je pense qu'on n'est pas arrivé là encore. Depuis quelques jours, je vois qu'il y en a plein de gens qui sont en train de nous laisser. Ça, je suppose que c'est un peu par rapport à la peur de ce qui se passe en ce moment jusqu'à maintenant. Mais aussi, ça fait depuis 3 jours que je vois aussi qu'au niveau des gendarmeries ou de la police, ils commencent à comprendre aussi que ce n'est pas au niveau de l'agression qu'on va réussir quelque chose. Alex ? Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce qu'a dit Thiago, c'est que tous les jours, on peut voir différentes personnes, comme on peut voir de nouvelles personnes, des personnes qui étaient venues il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. C'est toute une diversité de personnes qui peuvent venir de toute ethnie, de toute religion, et on communique avec les personnes quand elles viennent. Et c'est ça que Nuit Debout peut apporter aux gens, c'est la communication. Et certaines personnes ne cessent de venir justement parce qu'elles peuvent parler ici, parce qu'elles peuvent, comment dire, et elles peuvent s'exprimer. Voilà, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent entendre la réaction des autres. Mais alors, est-ce qu'il y a essoufflement ? Vous êtes là, vous, depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous voyez aujourd'hui moins de monde qu'avant ? Est-ce que cette énergie est toujours aussi vivante ? Est-ce que vous pensez que dans 15 jours, il y aura l'Euro de foot ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore un vous ? Moi, premièrement, je pense que les gens des Nuits Debout qui sont là avec nous, je pense qu'ils ont une grande énergie et je pense qu'ils vont être là jusqu'au bout. Et je pense aussi que malheureusement pour eux, ils ne pourront pas faire l'Eurovision ici parce que on tient, la base de Nuit Debout a été faite ici. Et malgré une Coupe du Monde qui ne ferait que aussi empirer la chose. Coupe d'Europe, pardon. Qui ne ferait qu'empirer la chose, ça n'irait pas avec notre mouvement et n'irait pas à cette place non plus. Alors, on va écouter un troisième témoignage recueilli cet après-midi. Ça, c'est la commission écologie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux ? Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Idriss, je suis actif au sein de la commission climat-écologie depuis la création du mouvement quasiment Nuit Debout. On s'est créé dans les jours qui ont suivi le 31 mars. Donc voilà. Alors nous sommes le 82 mars, est-ce que l'affluence est la même que les premiers jours ? Clairement, au niveau quantité, non. Non, il y a quand même moins de monde présent, surtout la semaine. Le week-end, ça reste quand même assez... un public quand même assez large, mais c'est vrai que la semaine, au niveau de l'affluence, est moindre qu'au début du mouvement. Ça, c'est visuel, on le voit, quoi. Voilà. Au sein de la commission, c'est pareil, l'activité est moindre ou ça se développe ? Non, par contre, au contraire, là, ça se développe. On a de plus en plus de gens qui sont actifs, qui viennent nous rejoindre, qui participent à nos débats, à nos actions. Donc ça, à ce niveau-là, au fur et à mesure que le mouvement avance, ben, on a de plus en plus de monde qui vient s'intégrer, quoi. Si sur la place de la République, il y a de moins en moins de fréquentation, comment vous envisagez rebondir ? Au niveau de la communication, je pense même Radio Debout, c'est essentiel pour un peu véhiculer cette image qu'on est toujours là, que même si les médias mainstream, entre guillemets, ne font plus trop attention à nous, nous on est encore là, on propose des choses. Donc essayons de communiquer de façon large envers le public, quoi. Et après, c'est tous ensemble, hein, toutes les commissions, tous les gens de Nuit Debout qui doivent se mobiliser pour qu'on soit là et qu'on le dise, quoi, voilà, tout simplement. Quelque chose à ajouter ? Par rapport au début, comme l'avait dit Idriss, on est un peu plus organisé, notamment en interne, avec des outils sur Internet qui permettent aussi de plus facilement mettre en place les idées de chacun. Par exemple, là, il y a des films qui ont été projetés, ce soir, il y a un autre film qui est projeté. Au début, on aurait dit « superbe idée », mais... on n'aurait pas réussi à le mettre en place, qu'aujourd'hui on arrive à le mettre en place et on fait intervenir des gens plus facilement qu'avant en tout cas. Donc Nuit Debout, la commission écologie va perdurer ? On va essayer en tout cas de le faire tant qu'il y a des gens au sein de la commission qui sont prêts à venir et à s'investir. Alors quantité, qualité, peut-être moins de gens, mais peut-être des gens plus motivés, plus influents aussi. Thiago, tu as écouté, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, comme il avait dit, début des mouvements le week-end, je ne vois pas vraiment la différence, hein, que ce soit le week-end ou dans la semaine, je pense que le monde qu'il y en a, c'est le même. En sachant que oui, peut-être il y a moins du monde, forcément il y a des gens qui travaillent. Je pense que le nombre des gens qui en est là aujourd'hui, dans la Nuit Debout, la plupart, même s'ils travaillent, mais ils sont là quand même avec nous jusqu'à la fin. Et deuxième chose, comme elle a dit, au niveau de la communication, ça c'est, je trouve que c'est bien, mais il y a quelque chose encore qui reste à mettre en place. C'est-à-dire dans toutes les commissions, je pense qu'on n'a pas vraiment de communication entre nous. Déjà, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on devait déjà, en tant que toutes les communications, les commissions qui travaillent à la place de la République, de pouvoir partager plus des choses ensemble et mettre les choses en place. Voilà. Alex, une réaction ? Moi, c'est plutôt au niveau de l'intégration. Moi, tout ce que j'ai pu voir sur toutes les commissions quand je fais des tours, c'est que toute personne peut s'intégrer. Et toute personne peut exprimer ses problèmes et peut trouver des réponses à ses problèmes. Et je pense que Nuit Debout existera toujours parce qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de réponses et qui savent ou qui sauront qu'ils peuvent avoir leurs réponses par Nuit Debout, par exemple sur Internet ou sur Périscope. Les sites de communication. Voilà, Périscope ou tous les sites sociaux. D'accord, donc la mobilisation est toujours là, la volonté est toujours là. Vous êtes tous les deux d'accord, on a écouté ces personnes aussi cet après-midi qui apparemment restent aussi mobilisées, on y croit encore. Ah oui, moi 82 jours après. Moi aussi, il faut que je compte pas rester 2 mois et ça ne me dérange pas. Parce qu'au moins on sait qu'ici on sert à quelque chose, on sait qu'on est là pour une lutte qui vaut quelque chose, donc la loi du travail. Et on sait que avant que ça se termine, il faudra qu'il ne reste plus qu'une personne ici. Je pense, c'est ce que je pense. Ouais, je pense que si on soit ensemble, je pense qu'on pourra aussi réussir encore plus. Et alors peut-être pour un dernier mot, pour convaincre des gens à revenir vers la place de la République à Paris ou de participer à des Nuits Debout ailleurs en France, un dernier mot. Alors moi j'ai participé la Nuit debout à Montpellier. J'ai fait aussi Marseille. C'est totalement différent ce qui ça se passe ici en France. Je pense que même à Marseille, je pense qu'au niveau des policiers et de la gendarmerie, ils sont un petit peu plus agressifs, encore plus qu'ici. C'est pour ça justement que je disais tout à l'heure, on ne doit pas avoir peur. Je pense qu'on doit réunir tout le monde ensemble et combattre cette débat. Quoi. Alex ? Alors moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Thiago. Au niveau de la police et de la gendarmerie, il faut toujours se souvenir que malgré ce que peuvent faire ces personnes-là, ça reste des humains. Quand on voit les vidéos par exemple de la voiture qui a été brûlée, moi par exemple, ça, j'accepte trouve, pas du tout ça. Qu'on incendie une voiture de police, vide, sans agresser personne, je veux bien. Qu'on agresse des policiers, qu'on leur brûle leur voiture alors qu'ils sont dedans. Et je tiens à préciser que je trouve ça remarquable que le policier qui a été sorti en deuxième de la voiture n'ait rien fait au casseur. Faut dire que cette personne-là aurait pu être un autre policier qui aurait pu réagir violemment. Tirer des coups de feu par exemple. Dans une situation comme ça, je pense que la personne aurait pu le faire. Et je trouve ça ignoble entre guillemets de faire ça. Alors on va du moins à des personnes. On va peut-être pas terminer sur effectivement ces dérives. Hein, c'est une nuit debout, c'est aussi, là on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu ce soir, c'est aussi beaucoup d'énergie positive. Il faut Chago. Toujours l'énergie, il ne faut pas laisser tomber là. Et donc preuve en est par exemple, cet après-midi, place de la République, il y avait une fanfare, la fanfare Fine Paulette qui a joué, qui a eu un public qui était là, qui dansait. Et bah, voilà, nous nous quittons aujourd'hui sur ça. Thank you. Eh bien, on est à l'antenne, ouais. Et on y est encore, absolument. Ouais, voilà, ouais. Il reste 2 minutes, il reste 1 minute 30, il reste 1 minute. Voilà, il reste très peu, et tout ça pour vous dire que... On se retrouve demain sur Radio Debout. Pour ce soir, c'est presque terminé. Au revoir. Radio Debout.